KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Bon alors, où c'est quand que tu te mets à Facebook là? Faut vivre avec ton temps, mec. Putain, tu vas être le dernier mec sur Terre à pas avoir de compte. Non, non, laisse tomber, c'est de la merde Facebook, ça sert à rien. Y'a que des gogoles qui ont pas d'amis et en plus qui essaient de se trouver des points communs avec des gens qui connaissent même pas. Faut vraiment avoir un problème pour aller sur Facebook. Eh les gars, vous avez vu le nouveau jeu là qu'ils font sur Facebook, les mecs? Non, bah en fait ils veulent faire comme les meufs avec la couleur de leur soutien-gorge, du coup ils marquent tous à quelle heure ils ont fait leur dernier caca dans le statut. Sérieux? Ah finalement je vais m'inscrire, je crois. Cher petit papa, non, cher grand papa Noël, cette année j'ai été très sage et j'ai traité personne de pauvre con. Je voudrais que tu m'apportes un nouvel avion tout neuf, encore mieux que celui d'Obama, pour partir en vacances. Je voudrais aussi que les Français m'aiment plus, parce que franchement, cette année les sondages n'étaient pas terribles. Et aussi, j'aimerais que Michael et toutes ces racailles me laissent un peu tranquille. Sinon j'appelle Besson. Et hop, un karcher pour... non, un charter pour le Portugal. Bien amicalement, Nicolas Sarkozy. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Énergie, Michael, l'animateur le plus cité dans les demandes de cadeaux au Père Noël. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ouais. Ça va. Oh. Ouais. Ça va pas l'air. Hein. Si. Ouais, si, si. Ah non, bon, bah alors. Premier jour de régime pour moi, donc je suis un peu affaibli ce soir. Non, non, d'ailleurs. Non, c'est le 562e jour de régime. Non, le vrai, le vrai. Enfin, le 562e premier jour de régime. Voilà, je n'avais pas dit exactement les bons mots au bon endroit. Voilà, mais... j'ai pas toutes mes capacités ce soir. J'ai perdu énormément de force et d'énergie. Et de poids, déjà. Ouais, et pas de poids, ouais, ça c'est. Tu veux du sucre? Bah non. Ah bah je sais pas, en général quand t'as pas d'énergie, il faut prendre un peu de sucre. Ah oui, mais bon, ça s'appelle le régime, hein, c'est un comme chocolat ça. Ou quoi, je sais pas. Non. Ah bon, tu veux pas de bonbon alors? Non, je suis fraîche et forte. Très bien, d'accord, ok. Je suis fraîche et forte. Par contre, moi j'en veux bien. Oui, bah alors par contre, je n'ai pas réussi à tenir ma semaine. Ah, t'as niqué tes bonbons. T'as déjà niqué le paquet? Enfoiré, non. Arrête, tu mens. Hein. Non, non, ils sont. Non, non, j'ai plus rien. Tu les as niqués quand? Ils sont même pas à la maison. Dans la voiture, les bonbons, non, mais oui. Non, tu mens, ça c'est parce que tu fais le crevard là. Non, je te jure. En fait, t'avais acheté un paquet de 400 grammes et tu voulais tenir au moins une semaine non, sans alors, toucher. Non, alors j'en ai acheté un de 400 grammes samedi que j'ai flingué. Et puis je me suis dit lundi, bon allez, je vais voir, je vais montrer que je suis fort. Je vais acheter le paquet lundi et je le tiendrai jusqu'à vendredi. Bon bah voilà. 400 grammes de bonbons, t'as fait presque un kilo en 4 jours. Voilà. Ouais. Non mais je vais arrêter hein, parce que je vois que je tu ne peux pas. Tu peux bien te foutre de la gueule du régime de Sandro. Ah non mais moi je suis pas spécialement en régime, moi j'essayais juste, bon bah je vois que je ne peux pas me faire confiance, bon bah voilà. Maintenant je le sais, allez, je rachète un paquet. Je ne prêterai rien. Non mais j'en achèterai pas, j'en achèterai plus quoi, puisque je ne peux pas me faire confiance. Ah ouais. Voilà. Non mais c'est vrai, voilà. T'as raison. Non mais voilà, il faut pouvoir arrêter quoi. Bon, on aura Jean-Marc Morandini au téléphone tout à l'heure hein, puisque je rappelle qu'il a lancé depuis hier la Morandini Academy et Qu'est-ce que c'est la Morandini Academy, c'est pour devenir animateur hein, comme la Star Academy, mais pour être animateur télé. Et donc il y a une place. Moi je croyais que c'était pour devenir Morandini. Non. Il y a une place sur Direct8 à prendre donc hein, gratuit hein, pour devenir chroniqueur donc dans l'émission de Morandini. Voilà. Et donc si vous voulez vous inscrire à la Morandini Academy, allez sur jeanmarcmorandini.com. Voilà, et buvez Morandini, mangez Morandini, lisez Morandini, regardez Morandini. Il avait l'air un peu gêné hier pendant l'émission que ça soit son nom qui soit utilisé pour Academy Web, parce qu'apparemment c'est Direct8 qui a décidé de ça. Ah bon? Ouais. Ah bah écoute, bon, on lui demandera tout à l'heure quand on l'aura au téléphone. Puisque tu parles de Star Academy, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la victoire de Jennifer. Ah bah génial. La victoire. Sa victoire à la Star. Oh putain, ça fait combien de temps là? Ça fait quoi, 8, 7, 9. 9 ans. Oh putain. Ouais, c'est dur. T'as la vieille hein. Ouais mais elle est toujours bonne. Mais elle a maigri. Bah elle a maigri aussi, oui, ça c'est sûr. Bon, et puis on a lancé un petit peu plus aussi sur Michael Jackson, puisque les flics ont donné leur. On appelle ça leur certificat de décès. Ouais, et sur le certificat de décès, il y avait marqué homicide, donc c'est un meurtre. Par injection de propofol par une tierce personne. Voilà, donc c'est effectivement un meurtre, ce n'est pas un arrêt cardiaque, une mort encore moins naturelle, ça c'est sûr. Donc, et encore moins un suicide, donc Michael Jackson a officiellement été assassiné. Ce qui veut dire jugement. Ce qui veut dire jugement, donc on verra bien un petit peu plus tard comment ça va se passer. Bon, niveau cadeau ce soir, on a encore pas mal de choses pour vous. Hein. Les DVD, les Blu-ray d'Inglorious Bastards. On a également des albums de Mika, de Boy Who Knew Too Much à vous filer. Je l'avais pas lu avant. Des Compil Energy Music Awards 2010, la version collector, les caméras numériques aussi, et puis des jeux vidéo. Dead Rising sur sur Wii, Guitar Hero sur PS3, Street Fighter 4 sur Xbox 360 ou encore les lapins crétins sur la Wii. Et puis place de foot aussi qu'on vous filera tout à l'heure pour Bordeaux-Marseille, 2 places. Attention, gros dossier, ce sera ce dimanche. Lille-Paris aussi, 2 places. Et oui, gros dossier pour Lille qui va pouvoir enfin manger à sa faim, faire une... Ah, bien ouvrir la bouche, prendre 3 points et rentrer. Ah, minimum 5 buts. Non, en tout cas, maximum 3 points. Oui, non. Ça c'est sûr. Et minimum 3 points également. Non, je passe pas. Allez Lille, bon. Et puis Rennes-Lens aussi, 2 places à vous filer pour ce soir pour le football. Alors ouais, les matchs sont annulés. On voulait vous faire des pronostics ce soir pour vous filer vos places de foot, mais bon, comme les matchs sont annulés, on va faire un autre jeu. Hein. Si vous arrivez à deviner combien de temps Sandro va traîner sur Facebook entre 21h et minuit sur son iPhone. De quoi tu parles? Comment? Qu'est-ce qu'il y a, mon iPhone? Ma mère qui m'a envoyé un texto. Ça y est, elle va porter plainte contre X pour le meurtre de Michael Jackson. Ah bah ça tombe bien parce que Monsieur X, on l'aura tout à l'heure. On s'arrangera avec lui directement. Très bien. Voilà, puisqu'il était coincé. Où est-ce qu'il était coincé hier? Dans la neige. Oui, dans la neige. Voilà, c'est ça. Bah on n'est pas à l'abri que ce soit encore le drame ce soir. À 22h apparemment, ça tombe sur Paris. Oh putain, c'est relou la neige. Neige. C'est-à-dire que normalement les gens disent ouais, il va peut-être neiger ce soir. Non, toi c'est à 22h. Oui, bah je l'ai vu sur le site de la météo. J'y peux rien. À 22h normalement il neige. Mais on peut envoyer quelqu'un dehors, on va envoyer le roux puisqu'il est à 22h il ira dehors et on verra si la neige va tomber sur Paris. Et dites-nous dans les autres régions de France là si ça neige déjà, s'il y a beaucoup, pas beaucoup, 6-11-12. Débutez votre message par énergie puis vous laissez votre numéro de téléphone. Et puis petite question, vous regardez combien de temps la télé par jour à peu près? Moins d'une heure. Ouais, moi aussi. Moins d'une heure. Bah ouais, là en ce moment je suis dans une série qui fait 52 minutes, donc 52 minutes. D'accord, Sandro? Ouais, facile, moins d'une heure. D'accord, Jack? Ouais, facile, 3 heures. À 3 heures? Ouais. Ah ouais, très bien, d'accord. Mais okay. C'est peu encore, je pense. Ouais, bah ça va, vous risquez, à part Jack, pas trop de mourir. C'est intéressant, ça, dis donc. C'est une étude australienne qui vient de sortir et qui montre que les gens qui regardent la télé plus de 4 heures par jour ont 80% de chances de mourir d'un arrêt cardiaque. Et donc apparemment, ce serait le fait de rester longtemps à ne rien faire qui est dangereux pour la santé. Le corps n'arrivant pas à digérer le sucre et les graisses. Et donc forcément, si vous êtes en surpoids, c'est encore pire. Donc dites-nous combien de temps vous regardez la télé et surtout ce que vous regardez, bien entendu. En gros, c'est pareil pour le PC, alors. Ah oui, tu oui. Tu fais rien aussi. Non, parce qu'en fait... Le PC déjà t'es assis, t'es pas affalé en théorie. Ouais. Et puis malgré tout, tu réfléchis un peu, enfin, ça dépend ce que tu regardes. Bah, tu travailles, ton cerveau travaille aussi quand tu regardes la télé. Oui, enfin t'as des, ça dépend. Oui, tu travailles, aussi, hein. Il travaille plus peut-être sur un PC. Et pour éviter les crises cardiaques à la télé, vous pouvez regarder Louis la Brocante. Normalement, il n'y a pas de risque. Oui, enfin, ça reste à voir. Hein. Non, ça endort. Oui, ça peut endormir aussi, c'est vrai. Enfin, sinon, pour bien regarder la télé, il faut le faire sur un vélo d'appartement. Oui, et voilà, pour bien faire, c'est bien, effectivement. Bon, et puis du son soir, nouveau son Rock US, on mettra ça comme d'habitude. David Guetta aussi. On aura Keisha avec TikTok. On aura également Diams, Christophe Maé. On aura également de. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Hop là, je vais dire une connerie. Junior Caldera avec. You get, Sandro. Ah, tu le dis vachement bien. C'est un petit piège pour voir si t'allais suivre. QHT you get. Mais je ne pourrais pas te dire quelle est la réponse à ce quiz. What you get. What you get, quoi. QHT you get. Ah oui, c'est pas mal. Ah ouais, c'est un petit piège, effectivement. Ah bah, c'est ça, voilà. Donc Junior Caldera avec What You Get et puis donc son Rock US, bien entendu. On écoute aussi le répondeur maintenant. 01 40 71 3400. Quels sont les messages que vous nous avez laissés depuis hier? Pour écouter vos messages, pressez le 1. Il était une fois l'histoire de Sandro à qui l'on proposa un simple gâteau. Elle refusa pas. C'était sympa, juste une seule fois, ça ne m'aimerait pas à prendre du poids. Et Sandro, à qui l'on proposa le simple gâteau. On va passer au message direct. Message suivant. Salut, je m'appelle Jean-Christophe. C'était pour dire que les gens qui puent de la bouche, là, comme on vous parlait avant, là, bah on nous a des tuyaux en fait. Hein. Non mais vraiment parce qu'en fait c'est tellement con que. Enfin ils sont tellement mauvais, en fait ils sont cons, en fait violents. Enfin, presque. Si on était tous, oh ta gueule tu pues. Fin du message. Parlez pas trop près du téléphone, on comprend rien. Allô Toff, c'est bien mais faudrait que tu t'achètes une nouvelle haleine. En tout cas, j'ai créé un Facebook, un groupe, pour que tu manges un chewing-gum et je te donne 1 euro. Allez. Parfait, envoie l'euro et je mangerai le chocolat. Fin du message. Message suivant. Ouais, putain, vas-y, je regrette. Non, non, mais ouais, je te jure, Mickaël, je regrette. Je regrette vraiment de dire que le best-of des Mexicains m'a manqué dimanche soir. Voilà. Bon, mais... Ciao. Fin du message. Ah, moi aussi, hein, mais bon. Message suivant. Allô, c'est moi, Mickaël, ça va? Allô, allô, c'est pas le salaud, Sandro. C'est plus des petites cartes, des brownies choco. Mais offre-moi une autre radio. Mickaël, je vais me suicider. Ma radio tombée, elle est toute cassée. Viens me la réparer. Je peux pas tenir sans rouler caisier. Jacques et son balai, Michel Padoué. Sans interdit, ma vie pourrie. Je voudrais regarder Julie. S'il vous plaît, faites-nous gagner. Nous n'arrêterons jamais de vous écouter. Un des nouveaux messages. On aurait pu les faire gagner s'ils n'avaient pas choisi Ozone. Le pire, c'est qu'ils ont dû répéter. Si, ouais. Ils ont essayé, oui. Bon, bah, oui. Allez, on fait gagner ceux-là. Ouais. Pas chipoter non plus pendant 107 ans. Bon, Michel, on rappelle les derniers. Quand est-ce que vient le coiffeur, là? Alors, il arrive là, dans la semaine. Là. Bah, peut-être jeudi ou la semaine prochaine. Hein. Ah bah, cette semaine n'est pas la semaine prochaine. Hein. Oui, je préfère impérativement cette semaine. Ouais, parce qu'il y aura une surprise en plus de la coiffure. J'ai des rendez-vous après, Micha. Donc un total relooking. Très bien. Non, mais cette semaine, hein, j'insiste. Ouais, parce que la semaine prochaine, j'ai beaucoup de rendez-vous. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Oui, mais pas de problème. Bon, bah très bien, parfait. Bonjour. En plus, moi, j'ai piscine la semaine prochaine, donc ça nous empêcherait de venir pour la coupe de cheveux de Toff. Ce serait dommage. Bon, donc pour rappel, en fait, c'est une auditrice qui m'avait dit sur Facebook, voilà, je peux couper les cheveux de Toff et tout. Apparemment, elle fait des études là-dedans, donc elle voulait un cobaye quoi, en gros, ouais. Pour faire une coupe de cheveux bizarre, et donc voilà, donc on laissera ça jeudi. Micha, hein, je compte sur toi, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on peut dire que je compte sur rien, quoi. Mickaël, le podcast. Ah, c'est quoi ça? Ça sonne sur ce téléphone, ça veut dire... J'ai une petite idée, c'est toujours le même qui appelle sur cette ligne. Ça veut dire que c'est Huggy. Allô? Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Tout compose. Allô? Bah ça ne téléphone pas, hein, dis donc. Allô, Huggy. Allô, les gars. Ah bah voilà, je savais que c'était lui, tiens. Salut, Huggy. Bon, on précise pour ceux qui ne te connaissent pas, donc Huggy, les faux tuyaux, nous appellent, pas nous saoulent, pardon, autant pour moi. Toutes les semaines pour nous donner des infos exclusives, je précise ex, bien sûr, parce qu'en général, elles sont périmées. Comment ça va, Huggy? Trop pas. Voire fausse, hein. Ça va. Bah non, trop pas, c'est pas vrai. Moi, j'étais le premier à te dire que James, elle avait arrêté le rap et qu'elle s'était convertie au slam. Hein. Non, à l'islam, Guy, à l'islam. Bon, ça, c'est ton autre problème, hein, dont tu mélanges toutes les infos, en fait. Hein, c'est... Ouais, enfin bref, j'ai du lourd pour ce soir, les mecs. Ouais, vas-y. En fait, il y a un de mes informateurs qui m'a dit que les Pussycat Dolls, elles se séparaient. Parce qu'en fait, elles ont eu un accident de Formule 1 et du coup, elles veulent plus porter des Levi's. Waouh, t'as l'habitude de tout nous mélanger, mais là, alors en fait, c'est Nicole Scherzinger, donc la chanteuse des Pussycat Dolls, qui se sépare de Lewis, et pas Levi's, donc Lewis Hamilton, le pilote de Formule 1. À l'hôtel? Quoi? L'hôtel. Ils sont séparés dans un Formule 1? Non, le sport, le pilote de... Enfin bref, c'est pas grave, laisse-moi. Bon, autre chose, Guy, tu devrais t'acheter un puzzle. Ouais, ah bon? Pourquoi? Recomposer l'info. Essaye, tu verras. Ah ouais. Eh, mais bon. Vous savez, il s'est passé un autre truc de ouf, hein. C'est quoi? Bah, il y a les Black Eyed Peas qui vont se marier avec de la béchamel. Mmh. Est-ce que tu écoutes Guy ou pas? Bah oui. Bah non, tu t'écoutes pas, sinon t'auras jamais raconté. Avec la béchamel. Oui, t'auras jamais raconté ça, c'est Fergie des Black Eyed Peas. Bah tu vois, j'avais raison. Non, bah laisse-moi terminer. Je disais donc que Fergie allait se marier une fois de plus avec Josh Duhamel et pas béchamel, idiot. Bah. Ouais, de toute façon, on s'en fout de cette histoire. Ouais, bah là, on est d'accord. Bon, Guy, les faux tuyaux, là, je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Attends, j'ai encore une autre info. Ouais, vas-y, c'est quoi? Tu sais, il y a Valérie Damido, l'actrice, là, qui joue une grosse dans la série Ikea. Oui, ouais, on voit bien, ouais. Bon, en fait, elle a déclaré que des fois, elle aimerait bien abandonner son fils sur une aire d'autoroute. Ah non, mais attends, ça doit être une connerie aussi, on dit pas ça de son fils. Oui, bah là, tu vois, c'est une vraie info, par contre. Hein. Mais elle rigolait, c'est juste qu'elle a un peu de mal avec son enfant, là, c'est un ado, quoi. Ouais, bah elle a qu'à arrêter de traîner avec Sylvain Mirouflet, hein. Non, c'est Marouflé, c'est un truc de peinture, là. Bon, laisse tomber, Huggy. Bon, allez, salut, Huggy, à bientôt, hein. Ouais, ciao, les gars. Ouais, mais pas trop vite non plus, hein. Il est à la base, quand même. Mais il est gentil, mais... Oui, il est sympa. Mais oui, il croit toujours qu'il a la solution. Bah non. Non, mais le pire, c'est son look, quoi. Parce que je te souviens, il était passé à la radio une fois. Oui, bah il a une quête de con, hein, ça. Ouais. C'est... Mais, non, mais apparemment, il confond Huggy les bons tuyaux et Steve Urkel. Même dans son look, il confond. Oui, c'est un petit peu ça, effectivement. Ouais. Bon, on parlait de télé là tout à l'heure et il y a Xavier qui est là maintenant de Montpel. Salut Xav. Salut tout le monde. Comment ça va? L'équipe. Salut. En forme. Ça va, tranquille, et toi? Ah ben, bah, un peu de forme. Hein. Bon, bah écoute, tant mieux alors. Donc, voilà, quoi. Eh ben, ça fait plaisir. Est-ce qu'il neige à Montpel? Non, malheureusement. Ah bah tant mieux, hein, t'as de la chance. Hein. Non, j'ai pas de chance. Oh, je déteste ça. Qu'est-ce mais que c'est non, relou c'est génial, la neige. Mais oui, non, mais c'est joli en photo la neige. Oui, voilà. Exactement. Non, mais c'est joli en photo ou c'est joli à la campagne. C'est joli dans les autres villes, quoi. Non, mais tu vois, mais putain, c'est relou. Non, à la limite à New York, j'aimerais bien voir la neige. Ouais. Juste comme ça, quoi. Mais voilà, basta, quoi. Mais c'est tout. Mais sinon, non, sinon c'est relou. Ça devient noir, ça glisse et tout. Enfin, c'est casqué. Faut faire attention. Ah oui, oui, oui, non, mais ça, bien sûr. Oui, ça, mais alors pas trop, hein, parce que putain, moi j'arrive. Enfin, c'est plus possible, quoi, de rouler en bagnole. Le les gens ils avancent à deux à l'heure quoi. Ah oui, mais ça glisse. C'est hein, normal, hein. Ils ont peur. Non, non, non, il y a un excès de prudence quand même. Enfin bon, il vaut mieux un excès de prudence que les mecs qui roulent à 180 là avec la neige et le verglas quoi. Bon, enfin bon. Oh putain, il y a un mec qui s'est fait choper à 200, enfin près de 300 km/h. Hein? Avec 6 grammes d'alcool. 6 grammes? Rigole pas trop, ça se trouve c'était toi. Non, bah non, elle va pas aussi vite ma voiture. C'est sûr que c'est pas une bouteille qui conduisait. C'est ouf. Non, un mec s'est énervé qui a lancé la bouteille, elle s'est fait flasher. C'est ouf. Ça c'est possible aussi. Il y a un mec en Suisse aussi qui a pris 200 000 euros d'amende d'excès de vitesse, c'est le plus gros qui est arrivé dans le monde. 200 000 euros d'amende? Ouais, parce qu'il faut en prorata de ton salaire. Ah ouais. C'était un mec qui avait un peu de l'oseille. Ouais, à mon avis, ouais. Bon bah ça va, alors on va pas pleurer non plus. Hein. Bon alors Xav, tu nous appelais par rapport à la télé toi? Ouais, exactement. Ben moi je regarde la télé des fois 4-5 heures par jour quoi. Mais qu'est-ce que tu trouves à regarder pendant 4-5 heures? Bon alors le journal, 35 minutes. Non, écoute, moi j'ai. Attention à la marche. Oh, non. Non, même pas, non, moi je suis plutôt série télé ou télé-réalité. Moi je te parle bien sûr de Navarro. Ah, de Navarro. Oh, c'est toi le fan de Navarro? Ah oui. Comment? C'est toi le fan de Navarro? Oui, pourquoi? Forcément, oui. Très bien, voilà. Oui, bah oui, Navarro, oui. Avec Roger Hanin, qui joue pas de bon oui. Non, j'aime bien tout ce qui est série, des cordiers jugés flics, ouais, je me souviens. Forcément. Voilà. Ouais, ouais. Mais toi, t'es un fan de TV Braise et il y en a une autre qui repasse que ça pour le moment. Il y a une femme d'honneur qui passe en ce moment, oui. Oh là là, génial. J'ai enregistré l'intégralité d'ailleurs. Waouh. Mais que, c'est pourquoi cette passion pour de la merde? Enfin, pas pour de la merde, mais c'est des séries non, françaises. C'est que j'aime bien, moi, quoi. C'est des bonnes séries françaises. Puis Roger Hanin, Navarro, c'est quand même une grande série qui a marché quand même, qui a bien marché. Ce sont, on peut pas dire de bonnes séries françaises, ce sont des séries françaises. Ouais, mais tu sais que c'est, n'empêche que chaque fois qu'il les rediffuse, c'est une des plus grosses auditions. Audience, oui. Ah, tu me diras, ça se contente pas trop qu'il regarde ça. Et j'aimerais parler d'un truc aussi quand même, parce que moi j'aime beaucoup aussi une série allemande qui s'appelle Alerte Cobra. Oh là là, quelle horreur. Pardon, c'est chaud, c'est sur la 2 je crois, après De la rue, non? C'est sur TMC le soir à 18h. Ah oui, non mais elle est horrible cette série. Alerte Cobra. C'est la police d'autoroute allemande. Oui, c'est bien ça, et donc et t'aimes bien. Fais la série, tu sais, avec les BM, Mercedes et compagnie. Mais c'est les vieilles. C'est intelligent de faire une série sur la police de l'autoroute dans un pays où t'as le droit de faire des excès de vitesse. En plus, ouais. T'as jamais regardé Alerte Cobra? En fait, c'est les mecs de l'autoroute. Mais toi bien. Oui, je suis tombé une ou deux fois dessus et franchement, c'est horrible. C'est. Y a pas que ça. C'est donc en fait, c'est la police de l'autoroute, mais ils font que des enquêtes en dehors de l'autoroute. Ah oui, bah oui. La police des aires d'autoroute. Non, mais c'est parce qu'ils font les enquêtes en dehors de l'autoroute, parce que un moment ou un autre, t'as le mec qui fait le malin, il prend la fuite, il arrive sur l'autoroute et la police de l'autoroute l'arrête. Est-ce que tu regardes la clinique de la Forêt Noire? Oh. J'ai regardé, j'ai adoré avec le professeur Klaus, avec le professeur Klaus Brickman. Oh non. Je connais même pas tout c'est ça. Tendu, mec. La clinique de la Forêt Noire, il y a que le générique qui est regardable. Non, c'est très, franchement, c'est très relou. C'est très, très oui, relou. C'est vraiment chiant. Même si t'essayes, même si t'es bourré, même si t'as fumé, ouais, même si tout ce que tu veux, tu peux pas. C'est vraiment lourd. Est-ce qu'il y a seulement une série allemande qu'on aime? Je vais vous rappeler une chose. Non. Je vais vous rappeler une chose, une série importante. Fais-nous peur. Ouais. Médecin de nuit, ça vous rappelle quelque chose? Écoute, heureusement. Ah, ça me dit quelque chose, Médecin Nuit. C'est quoi? C'est français? Sirène, ça a été réalisé par Bernard Gridel. Avec la R5. Non, mais c'est une pseudo-série reportage ou pas? Non, c'est pas non, ça. Non, c'était une série télé. C'était une série télé horrible. Mais toi, tu vas mourir jeune. Ah ouais, ouais. Très, très jeune. Je te confirme. Hein. Et j'aimerais vous parler d'une dernière chose qui me tient à cœur. C'est à cœur, j'aimerais parfait, qu'on m'écoute. Xavier. Allez, au revoir. Arrête. Tu veux parler de quoi? Des maçons du cœur. Ah, si, c'est bien ça. J'aimerais vraiment qu'on en parle, faire un petit truc. Je vous explique que c'est une série de télé-réalité américaine. Mmh. Ce sont un groupe d'Américains, dont Ty Pennington, et on le présente comme présentateur, puis après t'as des stylistes et compagnie. Ouais. qui viennent aider des gens qui sont dans le besoin, c'est-à-dire des gens qui ont, des gens malades qui peuvent pas rénover leur maison, qui ont pas assez pour rénover leur maison, ils viennent leur, ils les envoient en vacances pendant ce temps, ils rénovent. En fait, leur c'est l'équivalent de l'émission qui passe sur TF1 qui s'appelle Tous ensemble, je crois. Ouais, mais c'est le jour et la nuit. Si, ouais, ouais, je suis d'accord. C'est plus gros que l'émission de TF1. Quoi. Ah bah il y a plus sinon, de budget quoi. Ouais, sinon il y a un truc qui ressemble, enfin qui ressemble, je sais pas, mais bon, c'est un signe même dans le même esprit. C'est les tatoués au grand cœur sur la Geographic Channel. C'est des mecs, c'est des espèces de grosses bases. Tu sais, ils sont tous en Harley Davidson. Ah, des bikers avec, quoi. Avec des tatouages de partout. Et en fait, ils sauvent les animaux, les chiens et les chats. Et ils perdent toute leur journée, des semaines et des semaines. Ah, et c'est parce qu'il y a un chat, voilà, apparemment, il se fait maltraiter par un voisin. Et ils sont là, et ils vont la négociation avec le voisin pour qu'il arrête. Et puis les flics arrivent. Et voilà, c'est les tatoués au grand cœur. Comment tu regardes ça, tu Je regarde pas, c'est chiant. J'ai regardé une fois pour voir ce que c'était, mais c'est chiant. Les maçons du cœur, franchement, je regarde. Mais ouais, mais ouais, je peux dire un truc par rapport aux maçons. C'est quand même des gens qui sont généreux parce qu'ils sont sponsorisés par pas mal de magasins d'entrepreneurs de travaux publics. Ouais, mais c'est ça le concept. Tout le monde y trouve son compte aussi, attention. Ah bah oui. Mais le problème, c'est que quand ils ont essayé d'adapter ça en France, ça a été produit par Julien Courbet, donc c'est l'émission à Tous ensemble. En fait, ils sont allés pécho, genre du matériau dans une entreprise, et ils les ont jamais cités. Ah oui. Donc les mecs, ils avaient un peu les boules. Ah bah, tu m'étonnes qu'ils avaient la haine, c'est clair. Ouais. Le problème, c'est surtout posé quand ils ont voulu adapter au Portugal. Ouais, drôle, ça, trop, ça, trop drôle. De candidats. Ça, c'est drôle. Trop de candidats. Bon, Xav, reste là deux secondes. Il y en a d'autres qui voulaient donner leurs avis aussi sur leurs émissions de télé, notamment sur le fanbook. Il y a du monde aussi sur mikl.fm, rubrique la communauté. Il y a Manon qui dit ça peut durer de 8 à 19 heures le week-end. Dès que t'as envie de rien faire, tu regardes la télé. Ouais. Nicolas qui dit jamais plus de 30 minutes. 1h30 maximum, c'est Noah qui avait envoyé le message. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Justine qui dit entre 2 et 4 heures, ça dépend. Caroline, 0. J'ai pas de télé. Ah bah voilà. Ah non, mais c'est on devrait essayer de faire les maçons du cœur en Belgique. Pourquoi? Bah comme ça on aiderait les gens à déterrer des trucs dans leur jardin. C'est drôle ça. Et Soumaya qui dit maison à vendre. C'est là sur la 3 6, heures. Là. Ah oui d'accord, ok, très bien. Et Vincent qui dit environ 3 heures d'ordi et 4 heures de télé. Oui, tu risques de mourir hein, donc d'un très très jeune. Et le danger c'est la bouffe aussi hein, quand t'es planté devant la télé comme ça, devant le PC. Hein. Ouais, les chips, la bouffe. Oh là là, avec toutes les pubs de bouffe qui passent là. Ah bah, c'est ça, dès que tu vois le truc, tu dis ah. Ouais, mais bizarrement, moi, la pub pour Fluocaril, ça me donne pas envie de me brosser les dents. Ouais, c'est pas logique, parce que si quand tu vois de la pub pour de la bouffe, tu manges, quand tu regardes du foot, tu devrais maigrir. Ah non, non, parce que quand tu regardes du foot, tu vas pas faire un match. Tu joues pas au foot. Ah bah, ouais. Quand tu vois de la pub pour de la bouffe, tu bouffes pas. Ah bah si. Si, si, ça donne envie. Ça dépend qui. Il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus. Hein. Ouais, et Dimitri qui dit je regarde tous les épisodes de Y a pas pire conducteur sur la RTBF. Déjà, c'est une chaîne de mort. Mais non, mais c'est une chaîne que tu peux recevoir, enfin, tu pouvais recevoir parce qu'elle a été arrêtée. Oui, mais après, il faut le vouloir. Ah oui, oui, je peux, mais tu la reçois sur la Freebox et c'est un abonnement, hein. Ouais, ouais. 10 centimes par mois. 10 centimes, ah oui, quand même. Tu m'étonnes qu'ils aient des problèmes de budget. Mickaël, le podcast. Il en parlait tout à l'heure, donc Boris nous a envoyé un mail par rapport au jeu auquel ça donnait les filles en ce moment, hein. On en parlait en début d'émission. Elle marquait donc une couleur dans leur statut et laissait les mecs se poser des questions sur Facebook, bien sûr. Ouais. Et donc c'est au tour des mecs de faire leur jeu à eux, annoncer dans votre statut l'heure de votre dernier caca. C'est un bon jeu de mec ça. Voilà. Alors donc, ce qui est drôle, c'est qu'il disait ouais parce que les nanas elles ont voulu de garder ça secret pour que tous les mecs se posent des questions et tout, sauf qu'elles savent pas garder un secret, elles parlent trop, ça a duré 2 heures le buzz et c'était terminé. Et bah, donc voilà. Nous aussi on va voir, sauf que bah il a même pas eu le temps de se faire le buzz puisqu'on vient de le balancer. Bah c'est ça, en gros c'est un peu voilà. Ça. Ouais. Donc, donc du quelle coup, heure alors le... Quelle heure pour toi, Roux, c'est ça? Non mais pour tout le monde. Je sais pas, histoire d'être c'est un peu intéressant quand même. 6 heures, je sais rien. À 14h10. Et à 14h18, j'avais pas fini. Ah. Il a double. Avec demi-temps. Avec la gastro. Hier soir. Aujourd'hui, on va pas revenir à une semaine. Solide. Non, aujourd'hui, j'ai pas encore été chier. Bah, t'as pas la gastro alors, t'auras déjà été 15 fois sinon. Bah, je sais pas, hier, j'étais quand même pas mal chier. J'étais trois fois chier hier. Mais solide ou Un peu mou quand même. Ah bon, d'accord. Okay. Un peu mou. Et toi, où? Bon, je crois que ça doit être quelque chose comme 14h aussi. Ouais. 14h, et Sandro? Bah 14h10, je suis passé après malheureusement. Oh, pour moi. Quelle horreur. Oh, on a été aux toilettes en même temps. Génial. C'est vrai. On est synchronisés. Ah bah écoute, la prochaine fois je t'enverrai un texto. D'accord. C'est super. Allez, c'est pouce super. Pour moi. Ouais, génial. Bon, et dans un instant, donc je les ai mis avant ça, donc encore une petite info Facebook. C'est l'interview d'une employée de Facebook qui a été publiée cette semaine par le site américain de Rumpus. C'est ouf. Et donc elle dévoile que les employés de Facebook peuvent accéder à tous les profils. Et le mot de passe était Chuck Norris. Alors il était composé de symboles, de chiffres et de lettres minuscules et de majuscules. Alors évidemment il a changé depuis, hein, donc ne vous fatiguez pas maintenant à essayer d'accéder aux pages. Et donc Facebook conserve aussi d'ailleurs toutes nos infos, photos, même quand on les efface. Ouais, mais tout ce que tu supprimes c'est gardé. Même si ton compte tu le supprimes, il les garde. Exactement. Et donc, mais c'est ça qui est énorme dans les conditions, tu sais, enfin les trucs conditions générales que tu valides quand tu t'inscris, c'est que tout ce que tu mets sur Facebook appartient à Facebook. Voilà, comment tu sais ? C'est ce qui a fait un gros problème d'ailleurs. C'est écrit ? Ah donc tu t'es inscrit ? Non ? Non, c'est pour ça qu'il s'est pas inscrit justement. Mais arrête un peu, il s'est inscrit, bien sûr que ça. Ouais, oui, non, mais sous un autre nom. J'ai pas de Facebook. Comment t'expliques que ton ordinateur quand t'allumes Safari ou Mozilla, la homepage c'est facebook.com ? Mais parce que c'est le Facebook de l'émission, ça n'a rien à voir. Bah, oui, bien sûr. C'est quand je mets les photos à jour, les vidéos. Et donc la meuf explique que lorsqu'on rentre une photo sur Facebook, le réseau social, donc Facebook, stocke en 6 exemplaires la photo, la taille différente pour pouvoir les placer à différents endroits du site, donc c'est page de profil, info, recherche, tout le bordel. Et donc apparemment il n'y aura pas 350 millions d'utilisateurs de Facebook en fait, parce que c'est le chiffre total, mais il y a plein de faux profils, il y a des comptes piratés, etc. Donc en fait en vrai, il y en aurait malheureusement que 220 millions. Voilà. Que 220 millions d'utilisateurs actifs. Voilà, c'était la petite info Facebook. Ça revient de temps en temps, mais il fallait pouvoir en parler. Bon, il y a Alexia qui est là maintenant. Salut Alexia. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, bonne année. Hein. Bonne année à toi aussi, Alexia. T'es pas bête, t'es pute bonne. Écoute, je sais pas, on l'a pas bien vu encore, mais bon, je viens de croire. Bah, je peux demander tout de suite, combien mesures-tu? 1m70. Combien pèses-tu? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Et ton âge? Et ton âge? Mon âge 17. Ah. Mais dis donc, c'est toi qui fumes le cigare? Pas encore. Dommage. C'est dommage parce que nous chez les mines, c'était jamais qu'à 1h30 de Paris. Non, c'est bien. En plus, c'était sur mon chemin pour rentrer chez mes parents. Et tout. C'est bien. J'irai pas jusque là. Non, pour s'arrêter, c'est bien parce que c'est sur mon chemin. D'accord. Ouais. Voilà, je parlais pas de la route, ville. C'est sur d'accord. la route. Pourquoi pas, il y a une belle pompe à essence Elf. Ah ouais. Il y a surtout un Formule 1 et ça, c'est parfait. Elle est pas mal. Oui, avec le Formule 1 juste à côté de la pompe à essence Elf. C'est parfait. On est au top. Enfin, le guide Michelin ici. T'as vu. Bon, Alexia, on va faire le jeu des amis. On appelle qui? Emeline, Sonia, Lydiane? Emeline, d'accord, ok, on va appeler Emeline immédiatement. Allez hop, c'est parti. Il neige déjà chez les mines ou pas? Non, il neige pas. Putain, même la neige, je veux pas rien. On n'a pas cette chance. Non, bah, tu parles d'une chance. Dans 20 minutes, Roux, tu sors. Non. Si, il faut voir si la neige tombe. Si, Roux. Non, c'est chiant, je veux me les cailler là. Mais non, Sandro, il sort. Allô, pour voir si la neige. Bah bien sûr. Emeline, salut Emeline, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur NRJ, ça va? Ça va. Bon, je t'appelle avec... Ça a l'air. Ah ouais, ça a l'air. Je t'appelle avec Alexia pour le jeu des amis. Je vais te poser 10 questions à son sujet. Si tu réponds bien à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux, d'accord? Ok. Ok, bon, allez, pas très bien. On y va, on y va avec nos candidats maintenant, attention. Tout à fait, t'es avec Sandro, on ne dérange pas? Non, parce que là, j'ai enlevé son casque, elle s'en va. Parce que Micha m'appelle, il a un souci au standard. Hein. Oui, c'est ça, il fera ça après. Hein? C'est parfait. Bon, on y va, vous êtes prêts? Si tu sais pas, tu peux zapper, tu peux passer. Évidemment, ce sera considéré comme une mauvaise réponse et il faut répondre du tac au tac. Quel est le dernier livre qu'elle a lu? Twilight. Combien de tatouages possède-t-elle? Et si elle en possède, où? Au dos, sur le dos. Dans le bas du dos, allez, c'est bon, on va dire c'est ce qu'elle a répondu. Quelle est la destination de ses dernières vacances? En Espagne. En Espagne, bonne réponse. Et Sandro qui bouffe. Mais je rêve. Non, c'est un cadeau et ça se refuse pas. Non, mais Sandro. Voilà. Sandro, tu te fous de notre gueule, t'es au régime. C'est sans sucre. Montre, c'est sans sucre. C'est moins 40% de calories, mais il y en a quand même des calories. Bah, il y en a 60%. Non, attends. Il y en a en moins. Attends, moins 40% de calories, d'accord, mais par rapport à la calorie de base. Ça nous revient à combien? Non, ça va, c'est honnête, hein, il y a 230 calories. Dans 100 grammes, dans le paquet. Ouais. Ah voilà, dans 100 grammes, donc revenu à la pièce, ça va encore. Attends, mais on va goûter. Bon, ouais, allez, on continue. Quel est le prénom de sa meilleure amie? Anan. Effectivement, tu remarqueras que ce n'est pas toi. Quel est son dessert préféré? Yaourt à la vanille. Effectivement, bonne réponse. Sur quelle star internationale est-ce qu'elle est en kiff? Robert Pattinson. Black Eyed Peas. Quel est le dernier cadeau qu'on lui a offert? Apparemment, Marilyn Monroe. Apparemment, Marilyn Monroe. Ouais, voilà. On offre des paravents aux gens? Bah, je sais pas, moi pas, mais. C'est de la déco, c'est un jeu de déco. Les goûts un petit peu chelous. Pourquoi pas, pourquoi pas. Quel est le nom de sa revue préférée? Je sais pas. People Magazine. Quelle est sa série télé préférée? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, bonne réponse. Et enfin, une petite dernière. Quel est son lieu de sortie préféré? Bah oui, il n'y a pas le choix. Valenciennes. Oui, Valenciennes, effectivement. Ah, c'est sûr. Bon, et bravo à vous, les filles. C'est gagné. Bravo. Sept bonnes réponses, trois mauvaises, c'est donc gagné. Bravo les filles, vous retournez. Il n'y a pas eu une question de cul. Non, bah non, Micha a rien foutu. Hein. Déçu, Alexia, Emeline, vous retournez chez Micha au standard, on prend vos coordonnées et vous revenez très très vite, d'accord? D'accord. Bisous. Merci, bonne soirée à vous et puis merci. Hein. Bah, de rien, Alexia, gros bisous à toi. Et puis, jeu des amis qui revient demain à partir de 21h. Au paquet de rêve, les gants, tout au bain. Voilà, c'est du portugais. Alors les bonbons, bon quoi? Ouais, franchement, ouais. Ça va, ouais. Et au niveau de la calorie? Non, ça va aussi. On n'en sait rien. Comment ça, on n'en sait rien? Bah, c'est-à-dire que c'est pas parce que je mets le bonbon dans ma bouche que mon cul est gros. Mais non, mais c'est marqué ou pas sur le paquet? Oui, ouais, 100 grammes. 230 pour 100 grammes. Mais combien pèse un bonbon? 3,2 grammes. 3,2 grammes? Ouais. Bon, tu fais le calcul. Non, c'est beaucoup trop. Ouais, ça nous fait quand même de la calorie, hein. Mmh. Ah, t'es en train de se dire non. Ah, faut diviser par 33. Très bien, bah divise. Bah oui, c'est ce que je suis en train de faire. Bah parfait. Bon, bah prépare-toi, fais chauffer ton cerveau, ça fera chauffer le reste, puisque dans un quart d'heure tu sors pour voir si il neige dehors. C'est ce que Météo France a annoncé, la neige à 22h. Mickaël, le podcast. Bon, on parlait également de la Morandini Academy. On aura Jean-Marc Morandini d'ailleurs au téléphone tout à l'heure. Morandini Academy, c'est une, c'est un nouveau télécrochet. Télécrochet, comme c'est mignon. Non, c'est comme la Starac, mais à la place de devenir chanteur, c'est pour devenir animateur télé ou chroniqueur télé. Et donc, en gros, vous pouvez vous inscrire sur le site de Morandini, donc jeanmarcmorandini.com. Et donc, dommage, il n'y aura plus besoin de coucher. C'est triste. Ça dépend parce que. Enfin, c'est triste, je dis ça pour les mecs, hein, parce que nous, les meufs, c'est fini tout ça, ils sont tous gays, donc maintenant on peut plus coucher. Eh ben, on montrera Morandini, tiens. Tiens. Non, mais sérieux, donc ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une place en télé, hein, si jamais vous avez. Si vous êtes bon. Donc, vous pouvez vous inscrire donc, sur jeanmarcmorandini.com et on a décidé de filer un coup de main à Jean-Marc depuis hier. Ah, c'est-à-dire faire un peu le ménage. Le premier tri, ouais. Et donc nous avons Eric qui est là, 20 ans maintenant du 59. Salut Eric. Salut Mike. Comment ça va? Salut. Ça va plutôt bien. Tant mieux alors. Hein. Rassure-moi, t'as pris un rail avant ou pas? Non. Alors bon, moins de Red Bull. Tu pourras pas faire animateur télé alors. Bon, Eric, 20 piges donc, tu veux devenir animateur télé, radio? Radio plutôt. Plutôt radio, d'accord, ok, ça tombe bien, tu me diras. Hein. Bon, t'as déjà fait un peu de radio? Pas encore, mais j'anime des soirées de temps en temps et puis j'aimerais bien devenir animateur. Alors attention, hein, n'anime pas en disant oui, bonsoir, parce que bon, ça marchait bien dans les années 80. Ouais, genre, aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Ça quoi, continue dans certaines régions. Oui, dans certaines radios et dans certaines régions, effectivement. Mais c'est jeunes, bien d'animer des soirées en tout cas. Ouais. Ah oui, oui. Ah non, mais c'est bien, oui. Bien sûr. Bon, Eric, t'as donc comme tous les autres, hier en l'occurrence, une minute pour vendre ton bordel. On a changé les règles parce que hier le gagnant il devait revenir aujourd'hui. Ouais. Et au final on a changé les règles, on s'est dit on fera une finale vendredi. Ah bah oui, tant qu'à faire. Voilà. Ah, très bien, on fera ça vendredi, donc très bien. Eric, vas-y, une minute donc pour vendre ta soupe. Ok. Bah hello à tous et bienvenue sur l'antenne d'énergie pour ceux qui nous rejoignent pour l'émission du soir, l'émission sans interdit de 21h à minuit. Vous le savez sûrement comme nous, l'Energy Music Awards se déroule le 23 janvier 2010, soit dans un peu moins de deux semaines au Midem à Cannes, en direct sur TF1 Energy, présenté par notre sublime animateur du 6-9 et en même temps notre grec national à tous, Nikos Aliagas. Je vous rappelle qu'il est encore temps et encore temps de voter pour les Energy Music Awards sur le www.energy.fr, rubrique Energy Music Awards, quoi de plus simple. Et peut-être en passage de rafler des cadeaux de ouf avec vos places en VIP pour assister à la cérémonie. Cette année, vous pourrez voter pour départager vos artistes préférés parmi 11 catégories différentes. Et entre autres, il y aura la catégorie artiste masculin français de l'année, ainsi que la catégorie de la chanson internationale de l'année et l'album international de l'année, qui regroupe un point et un seul point commun, notre Olivier préféré à tous, David Guetta, qui nous a enflammé les dance floors cette année avec son album One Love. et avec des hits mondialement connus comme et je pense que la minute est dépassée. Mais c'était bien démarré, ça avait bien démarré, mais malheureusement ça a été un petit peu trop long. Toi, les marques vont t'aimer. Ouais. Ah mais mec, c'est-à-dire que là effectivement, alors t'as cité la radio, t'as fait un spot de pub. Ouais, t'as fait de la pub en fait. Non mais bon après c'est pas mal hein. Non, ouais. Disons qu'il y a un peu de travail dans la manière de parler. Ouais. Parce que si tu veux, c'est la manière t'utilises de. Utilise pas tes mots en fait. Ouais. On entend que c'est des mots que t'as entendu quoi. T'as écrit quoi. Ouais. Bah ouais. C'est normal hein. Ah oui oui. Ça peut aider au début. Je pas au contraire. C'est juste que techniquement c'est mieux d'écrire un petit peu. Ouais, parce que là on avait plus l'impression que c'était un match de foot. Mais il a une bonne dynamique hein, quand même. Il est dynamique. Oui. Mais pour avoir les grandes lignes, tu peux écrire pour avoir les grandes lignes. Donc voilà, mais pas tout écrire parce que sinon après ça devient drame. Hein. En télé d'ailleurs ils se font beaucoup de grandes lignes. Oui. C'est vrai. Après ça finit en plateau. Exactement. Bon Eric, t'es en numéro 1, c'est les auditeurs qui voteront tout à l'heure. Hein. D'accord ? Ok, ça marche. Bon bah très bien. Bah salut à toi Eric. Merci, à bientôt, bye bye. Ciao. Et puis on en aura d'autres tout à l'heure aussi, notamment avec Jean-Marc Morandini qu'on aura au téléphone dans quelques minutes. Juste un truc pour les suivants, vous n'êtes pas obligé de faire que de la pub. La pub, vous pouvez raconter de la merde. Hein. Ah oui, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un speak energy. Oui, on voit votre personnalité. D'autant plus qu'une minute, c'est un peu long. Hein. C'est vrai. C'est beaucoup trop long aussi, je puis me permettre. Ah oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup trop long. Bon, Mathias qui est là maintenant, 20 ans. Salut Mathias. Salut Michael, salut l'équipe. Comment ça va? Salut. Ah oui, c'est le cousin de Guy. Non, de Huggy. Pas du tout. T'as dit de Guy. De Guy quoi. De Guy. Ouais. Bah oui, j'avais compris Guy. Tu penses au premier Guy que tu as dans la tête et ça peut faire peur. Bah voilà. Bon alors, Mathias, tu voulais réagir par rapport à la télé toi-même. Est-ce que tu regardes souvent la télé? Qu'est-ce que tu regardes à la télé et surtout combien d'heures par jour? Bah je peux regarder parfois 3 heures à la télé. Mais qu'est-ce que tu trouves à regarder? Bah les pubs. Hein? Les pubs. Ouais, c'est-à-dire que lui regarde pas les émissions, il zappe de chaîne en chaîne pour tomber sur la pub. Non, attends, tu cherches. Voilà. Il y a un jeu qu'on fait des fois avec le roux, c'est de savoir pour quelle marque c'est dès que ça commence la pub. Moi aussi je fais ça. Ça c'est drôle ça. Mmh. Ah si c'est marrant, t'as une pub, tu te mets par exemple, tu te mets sur TF1, t'as une pub, le mec qui commence à se laver les dents, ah t'es persuadé que c'est du dentifrice et tu tout. Fais un blind test quoi, un blind test de pub. Au moins ça passe le temps pendant les pubs. Ouais, quand tu vois le temps des pubs. Ouais. Ouais. Ouais. Ah bah 6 minutes hein. Ça met jamais. Bah, c'est tu t'amuses pas toi dans la vie tout le temps. Ouais, enfin bon, je m'excuse, mais je regarde pas la télé et sur Nadjo c'est pas là non plus là qui a le plus de pubs. Hein. Et donc si tu veux. Ah mais bon, tu vas sur la chaîne météo quoi. Oui. Non, pas la télé, ça c'est. Il se fait des blind tests où il va essayer de deviner les températures à Besançon. Non, bah oui, bah exactement. Oh, il fait 13. Merde, oh là là, j'avais dit 12. Le roux va sortir dans 1 minute 45. Ouais, c'est ça, ouais. Avec sa veste afin de voir si la neige tombe sur Paris comme Météo France l'a annoncé à 22h précise. Eh bien non, il ne neigera pas. Bon, on va voir, on sait pas, on est dans la cave là, donc on sait pas très bien ce qui se passe dehors. Si, roux, il a une verglaire au-dessus de lui. Non mais on voit pas, il y a des trucs dessus. Ouais, il y a des trucs au-dessus donc on voit rien. Sinon ça aurait été facile, tu me diras. Bon Mathias, donc tu regardes les pubs. Alors mais pourquoi tu regardes la pub? Bah parce que je sais pas quoi faire, alors j'allume la télé et je regarde les pubs. Mais tant qu'à faire, autant regarder un programme, non? Oui, parce que si tu regardes la pub, en fait lui tu regardes la pub et dès que le programme recommence, tu zappes. Eh mais ta mère, elle doit rentrer le soir, elle doit voir son gamin qui zappe de pub en pub et te dire c'est quoi ce gars. Mais non, mais regarde, si ça devient une passion pour lui, il connaîtra la pub de A à Z, il va peut-être finir dans la création de pub. Ce que j'adore, c'est les pubs en chanson, en fait. Les pubs en chanson. Canal Sat revient pour Noël. Non, c'est pas ça. Vraiment exceptionnel. C'est quoi alors? C'est là, reste dans la tête. C'est pas du tout ça, c'est... C'est nous, on revient pour Noël. Offrir un cadeau aux émotions. Canal Sat. À 20 euros. Non. À 10 euros par mois. On va se calmer la tête. Chacun est sûr de trouver ce qu'il aime. Tu vois, en fait, c'est le principe du hit. Sur les plus grandes chaînes. Et avec Canal Sat à la demande. Arrêtez. C'est plus la télé qui commande. Bon, allez, j'espère qu'ils pourront nous remercier d'une bonne manière, Canal Sat. Une petite carte. C'est très gentil. Voilà, c'est pas cher payé pour de la pub à la radio. Hein. Il paraît que même les gens qui y bossent, ils l'ont pas, la carte. Ah oui, non, bah, je te confirme. Hein. C'est-à-dire que même ceux qui payent hein, n'ont parfois pas le programme. Il y a prix hein. aussi. De quoi tu dis? Il y a prix aussi. Ouais, mais on va pas se faire. Va, hein. Privé, c'est à la vista. Ouais, on connaît hein, sur Mathias. Hein. Mais donc, toi, t'es fan de la pub chantée. Bon, ben, pourquoi pas. C'est drôle. C'est ouf qu'ils les connaissent par cœur. Bah, moi aussi, regarde. Enfin, non. tu la connaissais pas aussi bien que lui. Ouais, parce qu'il y en a deux, il y en a une avec et avec Canal 7 en haute définition et l'autre. Le lance pas, le lance pas. Okay, c'est ça, non, non, non, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira. Bah, puisque t'as vu la musique, on va t'en mettre un petit peu. Allez, un risque. Mathias. Oui, ok. D'accord. Et à la fin de la pub, ouais. tu nous feras l'entièreté de la pub pour le CD. D'accord. J'ai rien compris. Moi non plus. Lui non plus. Non mais si, il dit que on va mettre le disque et après. Et puis tu lui feras alors. Non, on va mettre le disque et après il fait la pub pour le CD. Qu'on vient de mettre. Ah ouais, d'accord. Voilà, tout simplement. Roule les 10h. Ouais. Allez dehors. Non mais je crois qu'il neige pas. Bah va vérifier. Non monsieur, ça sert à rien. Mais Roux va vérifier. Oui, si tu veux, ça sert à fumer ta clope. Il n'y en a plus, c'est pour ça qu'il veut pas, sinon il sera allé. C'est pour ça qu'il râle, d'accord, j'ai compris maintenant. Bon Mathias, merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ok. A bientôt, ciao à toi. Salut. Ciao Mathias. On va faire un quiz people aussi. Hein. Tout à l'heure, si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas. 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez people avec votre numéro de téléphone. On va continuer aussi les animateurs, là, la Morandini Academy avec Jean-Marc Morandini qu'on aura au téléphone. Et puis bah, vous, hein, si vous voulez vous inscrire, 612, débutez par énergie, puis vous mettez animateur avec votre numéro de téléphone ou alors vous vous inscrivez gratos sur le fanbook ou le Twitter de l'émission, c'est sûr. MIKL.fm, rubrique La Communauté. MIKL, le podcast. Et Roux, bien évidemment, au standard, puisqu'il est dehors, là. Ah ouais, Michel, vous oubliez de le mettre. Hein. Bah, ouais. Oh, Michel, au taquet, là. Voilà. Oh, il a deux téléphones. Non, il a plus rien. Aucun téléphone en main, là. Il en avait deux en main, là, tout de suite. Il a plus rien du tout, maintenant. Il est là, il cherche. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'on lui donne le mode d'emploi. Il est débordé, comme d'habitude. On lui donne le mode d'emploi du standard. Mais oui, je ne comprends pas. Alors, où est-ce qu'on met les numéros, hein ? Alors, pourquoi il y a 8 chiffres et pas 10 ? Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Oh, la météo avec le roux. Ah, bah, enfin, faudrait qu'on l'ait d'abord pour ça. Ah ! Bon, roux ! Ouais. Bon, il neige ou pas ? Non, il neige pas. Bon, ben, reviens. C'est super. Bon bah reviens. Non, merci. Tout ça pour ça. Bon bah reviens. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, bah justement, tu vas rester là pendant 3 heures. Allez, à tout de suite. Ouais. Très bien. Bon bah apparemment, il neige pas sur Paris. Donc, hein. Voilà. Pourtant, Météo France, ça va annoncer 22 heures. Le prochain point à 23 heures. C'est des mythos. Ouais, visiblement. À en croire, en tout cas. Change de chaîne? Bah je peux pas, c'est Météo France. Ah, j'ai compris, France 3. Ah non, Météo France qui avait annoncé ça à 22h. Bon bah c'est pas grave, l'euro ressortira vers 10h30. Oui bah oui, il faut... Bah, il faut... Pour voir si la neige arrive entre temps ou si bon elle ne viendra définitivement pas, je ne sais pas. C'est tellement précis en plus Météo France, c'est vraiment bizarre qu'à 22h. Oh ça va, la neige est un peu à la bourre, ça arrive à tout le monde. Oui c'est vrai, en plus il y a plein de trucs à faire. Mario et Vanessa ? Oui. Oui, bonsoir. Quelle est la demoiselle d'entre vous qui enregistre la conversation et qui fait que ça fait bip bip? Ah, c'est Marion. Marion, elle joue à Hugo Delire. Tu es déjà au téléphone avec nous? Non. Oui. Arrête de pousser, je t'en supplie, sur ton téléphone. C'est pas possible. Non mais attends, Marion. C'est le téléphone horrible. Il est pas tactile celui-là. Hein. Marion. T'es teubé ou quoi? T'es gogole ou quoi? Non mais parce que je suis un match de basket et ça bug. T'es un match de basket? Ouais, et donc oui, du coup... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit. Et non, du non, il n'y a pas un bruit. Non, t'appuies sur ton clavier de téléphone. Le parlant. Non, je peux pas. T'es en train d'appuyer sur le clavier de ton téléphone. Non, ouais. Elle a son clavier trop serré sur sa joue, je pense. Ouais. Alors t'as le kit main libre. Ouais, Marion. Oui. T'es en train de pousser sur tes touches de ton téléphone comme si tu composais un numéro. Ah mais bon non. Quelqu'un. Ça fait tu, c'est horrible. Ouais, c'est vrai là. Ouais bah oui là oui, bon. Oui. Quand t'arrêtes ça va. Là ça a l'air d'aller ouais. Mais comment tu peux être un match de basket alors qu'il n'y a pas un peu de bruit derrière? Bah parce que là je suis sortie en fait du Colisée en fait. Le Colisée il est à Chalon et du coup j'ai... Attends tu recommences là. Ah c'est pas possible de dire le clavier. Arrête de pousser sur ton téléphone, pourquoi tu pousses? Mais parce que ça me stresse le bruit là, j'ai l'impression que vous m'entendez pas. Mais si on t'entend. Quand t'arrêtes d'appuyer sur les touches, on t'entend. Oui voilà c'est ça, c'est-à-dire okay. Que si tu pousses continuellement sur les touches, ça va pas être possible quoi. Bon c'est bon, okay. Je peux te faire confiance? Je peux passer par l'autre côté? Oh là là. Attends, okay. Fais la sortie là. Oui je passe quand tu veux par l'autre côté, y a pas de problème. Marion. Marion. Oui ouais, écoutez-moi je... Mais on fait que ça, t'écoutes. Bon, alors Marion, alors tu vas retourner chez Michel en prendre le cadeau, non, un peu plus là. Attends, ça fait 1 minute 50, l'autre elle pousse sur ses touches, elle raconte ça, ouais, je peux passer, voilà, tu me ramèneras un petit verre tout à l'heure, alors ben je reviens, tout ça. Bon, Vanessa. Oui. Bah t'as gagné. On va faire le quiz people, mais alors toi contre les autres. de l'équipe. Ah, ça, non, c'est bon. Ouais. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Donc, non, on va pas faire ça, mais tu veux jouer avec qui? On va prendre quand même quelqu'un de l'équipe. Oh, quelle horreur. Vanessa? Oh, putain, sacrée soirée. Tu veux jouer avec Leroux? Très bien. Allez. Ouais. Et Leroux sera contre contre les autres, hein, tout simplement. Enfin, Leroux, Vanessa, contre Toffre, Sandro et Jack. Ouais, mais attends, ça va être horrible, on va tous donner nos prénoms. Bah oui. Première question, t'es prêt? Vous êtes prêts? Prête. Ouais. Qui a dit « Johnny est comme moi, il a besoin d'un suivi Sandro. Psychologique ». Johnny souffrant d'une crise de schizophrénie. Joey Star... Non mais Vanessa, alors si toi aussi tu racontes ta vie sur le côté, on va pas y arriver, on va faire notre jeu tout seul. Vanessa, pardon. Oui, je suis là. Non mais sois présente un minimum quand même. Hein. Ah oui, mais je suis là, mais c'est que j'ai ma soeur qui me fait rigoler en fait. De quoi? C'est ma soeur qui me fait rigoler à côté. D'accord. Et ta soeur qui a pris le téléphone, qui a joué contre toi. Oui, voilà, ce sera aussi simple que ça. Donc je disais, qui a dit, et il faut attendre que je donne les trois propositions, qui a dit Johnny est comme moi, il a besoin d'un suivi psychologique. Johnny souffrant d'une crise de schizophrénie, Joey Star ou Sarko? Oh, Sandro, j'avais dit mon nom hein, avant. Ah oui, mais fallait le dire après les propositions. Ah oui. Non, tu l'avais pas dit, on savait pas. Bah si, il faut attendre les propositions à chaque fois qu'on fait un quiz. Joey Star. T'allais dire quoi, Sandro? Bah, la même. Ah ouais, mais c'est pas bien de copier son voisin. Joey Star. Oh, elle va nous faire la gueule toute la soirée maintenant. Bonne réponse. Vanessa? Ouais. Tu peux jouer également. Hein. Ouais, mais non. Très bien. Oh, je sais pas. Qui a blessé un paparazzi avec sa voiture? Ah, c'est l'autre là. Lindsay Lohan, Barack Obama ou Flavio? Sandro, j'ai dit mon nom à la fin de la dernière proposition. Sandro. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, bonne réponse. Finalement, elle est sourde. Qui est sourde? Non, rien. Tu vas te faire demander. Non, rien. Il va te défoncer là. Qui a dépensé 1 million d'euros pour acheter des cadeaux de Noël? Diams, Beckham ou Carla Bruni? Toffre. Toffre. Beckham. Beckham, bonne réponse. 1 million d'euros? Eh ouais. Victoria Beckham, attention. Qu'est-ce qui se passe encore là, Vanessa et ta sœur là? Parce que je suis maman, on m'entend pas. Mais si, on t'entend, mais t'es deuxième. Oui, bah elle est toujours son prénom avant elle. Non, bah, il va s'énerver. Là, je le sens, il se fâche. Là. Allez, quatrième question. Des blancs, encore. Quelle personnalité va inspirer la création d'un parc d'attractions? Le Dalai Lama, Pol Pot ou Michael Jackson? Sandro. Sandro. Michael Jackson. Sur le fil, Sandro, hein, t'as de la chance. Bon, bah vous allez faire le café du commerce entre vous deux. Hein. Tu prends Closer, tu joues toute seule au jeu. Tu demandes à ta soeur de te poser des questions. C'est vraiment... Voilà. Alors, attendez. Qui a été élu l'homme le plus l'homme petit le plus sexy du monde? Tom Cruise, Nicolas Sarkozy ou Pedro de l'émission? Vanessa, Vanessa. Sandro. Tom Cruise. Bonne réponse. Pas mal. Sixième question. Quel acteur a adoré la rumeur qui disait qu'il était gay? Jared Leto, Lee Cooper ou Bradley Cooper? Jared Leto. Mauvaise réponse, Vanessa. Lee Cooper. Perdu, tu vois. Cooper, hein. Bradley Cooper. Bah Bradley Cooper, alors, juste pour préciser, Lee Cooper est une marque de jeans. En plus. Et enfin 7, qui a été élu tête à claque de l'année 2009 par les Public Awards? Sohan, FX ou Booba? Roux. Roux. Sohan. Non. Sandro. Sandro. FX. Oui, bonne réponse. Eh ben bravo Vanessa. Hein. Ouais ouais. T'as été bonne. T'as déchiré là. Ah ouais ouais. Ah franchement, heureusement que t'étais là, hein, parce qu'il y avait plein de réponses, ouais, qu'on n'avait pas. Parce que à part se plaindre, ça n'a pas donné beaucoup de bonnes réponses. Non, mais je criais à moi, c'est vous qui m'entendiez pas. Vanessa, mais si on t'entendait, mais t'étais deuxième, voire troisième à crier ton nom et il fallait être la première. Heureusement que le roux a mis un point. Ouais, il a sauvé l'honneur. Ah, et alors, je te confirme, je te confirme. Oh bon, Vanessa, je t'en supplie. Parle avec ta sœur. Putain, j'arrive même plus à l'enlever du standard. Allez. Il s'accroche. Ah voilà. Allez. Ah bah ça fait du bien. Putain, j'ai jamais été aussi content d'écouter de la pub. Mickaël, le podcast. Et on accueille Jean-Marc Morandini. Non, pas tout de suite. Micha a quelques problèmes. Quelle belle entrée. Non, bah, alors quel est le problème? Il répond pas. Il répond pas. Si les gens répondent pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah oui, je mets le répondeur, je mets le répondeur en ligne, c'est ça? Ah oui, bah, oui, non, mais t'aurais pu te mettre dans le standard et puis jouer Jean-Marc. Oui, ou t'aurais pu me prévenir, me dire bon bah j'arrive pas à le joindre, il est sur répondeur. Faut se tenir prêt à tout moment. Voilà, c'est ça, bon on a eu un problème. Non, non, il est là. Il fait sa vie. Et il est tranquille. Tout va bien. Et tout va bien. Et on est bien, quoi. Oh, l'énervez pas, le petit Micha. Ouais, il est à la cool, Micha. Il est mais à la oui, cool. Mais oui, bah bien sûr, évidemment, il est à la cool. Ah, très cool. Ah, là, là, là, là, là. Qu'est-ce que je fasse? Je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Si, il pourrait faire des trucs, c'est pas très sympa. Bon, je vais appeler Jean-Marc Morandi en direct, alors c'est pas grave, hein, parce que sinon. Tu vas tomber sur le répondeur. Mais c'est pas grave, je vais lui laisser un message pour dire que je le rappelle. Parce que je suis sûr qu'il a pas pensé à faire ça, Micha. Vous êtes bien au 06. Oui. Bon, attends, on va d'abord voir. Bah, là, c'est pas si, sur répondeur. Si j'y arrive. Il va prendre cher, hein, Micha. S'il décroche, il va prendre cher. Allô? Ah, Jean-Marc? Oui. Salut, c'est Mickaël, ça va? Bonjour, très bon, bien. Bon, très bien. Donc, mon standardiste me dit que c'est impossible de le joindre que t'es sur répondeur tout le temps. Ah, pas du tout, j'ai mon téléphone à côté de moi. Tu vas prendre cher, Micha. Tu vas prendre très très cher, Micha, je te le dis direct. Il sait peut-être pas faire le numéro de téléphone, non? Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il ne sait pas comment marche le standard, en fait. Ah, hein. Voilà, ça doit être ça, en fait. Mais non, bon, allez. C'est plus ça, le problème. Mais bon, c'est pas. T'en cherches pas un pour chez toi? On va faire la Standard Academy, peut-être. Eh ben, parfait. Bon, écoute, je te le fais pour pas cher. Non, allez, gratuit. Je te donne 100 euros, tu le prends. Si tu veux 100 euros, ça va. Ah bah écoute, très bien. Bon, Jean-Marc, comment ça va? Bonne année. Super bien, merci. Bonne Happy année New aussi. Year. Bon, ah oui, en anglais en plus. In English. Ouais, non, parce que Jean-Marc, je lui souhaite bonne année par SMS, mais il me répond, mais sans branle. Oui, j'ai répondu en anglais aussi, c'est pour ça. Que ouais. Ça doit être ça, effectivement. Bon, alors, la Morandini Academy, comment ça se passe dans ton émission Morandini, qui est même diffusée sur jeanmarcmorandini.com? C'est ça. Bah, écoute, non, mais ça se passe très bien. On a eu, rien que pour la journée d'hier, on a eu déjà 500 inscrits. Ah, quand même, grâce à nous, ah ouais. On a fait la pub hier soir. Ah bah, j'espère bien. Et c'est vrai que, voilà, en fait, l'idée, c'est de chercher celui ou celle qui feront animateur sur Direct 8. Donc on va les recruter, on va faire un grand casting. C'est le même principe que la Star Academy, à part que là, cette fois, on cherche un animateur pour en faire une vedette. On espère en tout cas trouver le talent qui est caché quelque part en France. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des critères de base? Oui, déjà, oui, physiquement, tout ça. Vous voyez, il faut juste plus de 18 ans. D'accord. C'est officiellement. Ça, c'est officiellement, voilà. Voilà, oui. Non, mais c'est vrai, plus de 18 ans, et moi, mon rêve, c'est ce que je dis, mon rêve, c'est de trouver une mamie qui serait géniale et qui pourrait être chroniqueuse. Donc voilà, pas de critères d'âge, on va essayer de sortir un peu des schémas classiques, où on a toujours le même type de chroniqueur sur toutes les chaînes de télé. Voilà, moi j'aimerais bien découvrir quelqu'un qui a un vrai caractère, qui va nous surprendre. Le seul truc que je veux pas, c'est un chroniqueur formaté qui va venir, comme on en a des dizaines, dans toutes les émissions à la con, sur les chaînes de la TNT, c'est tous les mêmes. Il n'y a pas que les chaînes de la TNT, hein. Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai que quand tu regardes la TNT, t'as l'impression de toujours voir les mêmes, quoi. Ça, c'est clair. Oui, ça, je te confirme. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de gens qui ont de la personnalité, qui ont du caractère, et surtout qui vont nous surprendre. D'accord. Alors, est-ce que c'est le même concept que TF1, c'est-à-dire que là aussi, vous prenez les téléspectateurs pour des cons et des vaches à lait ou pas? Non, pour les votes, je parle. Même pas surtaxé pour voter, ce sera sur Internet. Ah bah parfait. Donc moi qui me suis tant battu sur les SMS, donc voilà, tu vois, enfin j'allais pas. Ouais, il aurait eu l'air con de dire bon alors. Mais SMS à 2 euros hein, si voilà. Vous voulez voter. Voilà. Et pour voter, 0,899, hein, bien évidemment. Donc, votre salaire donc, par minute. Exactement. Donc le vote se fera par Internet, avec un site sur lequel il y aura les vidéos de tous les candidats, etc. Attends, laisse-moi deviner, voilà, jeanmarcmorandini.com. Exactement, / animateur, bien sûr. Voilà. Et pour s'inscrire aussi, hein, c'est là qu'il faut aller, jeanmarcmorandini.com, on remplit les fiches, on met des vidéos, etc. Et puis la seule différence avec la Starac, c'est qu'il n'y a pas de château. Donc voilà, ça c'est... Ouais, ça, c'est directement dans ton appartement. Hein, c'est directement chez moi et dans ma chambre, bien évidemment. Cool. Bien qu'à la télé, ça ne se passe que comme ça. C'est qui le jury, alors? Le jury, c'est toi, moi, c'est le directeur des programmes de Direct 8, et c'est Thierry Moreau, qui est le patron de Télé 7 Jours, qui est notre partenaire sur l'opération. D'accord, ok. Et toi, tu ne donnes pas ton avis? Si, d'accord, j'ai pas entendu. Non, je suis le troisième. Ah, t'es troisième, d'accord, ok. Voilà. Et c'est toi qui as décidé du nom? Non, le nom, c'était fait. En fait, c'était le nom de code au départ. Et puis finalement c'est resté comme nom, mais de toute façon comme j'ai un ego énorme donc ça passe très bien, c'est très bien vécu. C'est vachement... Non mais t'as raison, c'est vachement... Au moins c'est clair. Mais non mais c'est vrai, t'es quasiment une marque à toi tout seul, de plus en plus. Ça, écoute, le nom est en train de devenir une marque, l'émission à la radio s'appelle comme ça, le blog s'appelle comme ça, donc on s'est dit autant pousser ça jusqu'au bout, même si je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire oh là là mon dieu quelle horreur. Ce mec là met son nom en avant. Il avait l'air gêné hier soir quand tu l'as annoncé. Oui, mais tu l'as pas cité. Non, mais ce qui est terrible, c'est que j'arrive pas à dire. C'est-à-dire que, par exemple, quand je parle de mon émission sur Direct 8, j'arrive pas à dire son nom. Je dis c'est l'émission média de Direct 8. Voilà. Ah, moi, ça me gêne toujours, malgré tout, de le vendre comme ça. Mais bon, voilà. Enfin, d'accord. Et d'ailleurs, je rappelle que Jean-Marc travaille également tous les matins sur Morandini 1. Oui, non, parce que l'année prochaine, ça change de nom. Hein. Exactement. Dorénavant, ça va bouger. Bon, Jean-Marc, justement, on a peut-être quelqu'un là au téléphone qui lui aussi s'est inscrit sur notre site. Tu me diras. Bon, là, évidemment, là, c'est de la radio, donc forcément, ouais. Ça pourra peut-être pas servir. Encore que, après, s'il a une bonne gueule, ça pourra peut-être servir. Pourquoi on sait pas, jamais. Pourquoi pas. Ouais. Donc, Amit, écoute toujours. On verra. Donc, c'est Jocelyn qui est avec nous, qui voulait tenter le concours d'animateur. Salut, Jocelyn. Bonjour, Nicolas L. Bonjour, toutes les putes. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, Jocelyn? J'ai dit bonjour Michael, bonjour toute l'équipe. Ah oui, ça c'est marrant, tiens, j'ai cru entendre autre chose. Ouais. Non, moi aussi, oui, ça m'a tout à fait compris ça, oui. Bon, présente-toi un peu Jocelyn avant de commencer là. Je suis Jocelyse, j'ai un an. Non, je suis Jocelyn, j'ai 16 ans et j'attrape la bite. Non, j'habite attrape. D'accord. Voilà, dyslexique c'est bien pour la télé. Eh bon, on va se marrer. Hein. J'aimerais être un animo-radiateur, non, un animateur radio, comme J-Marc Morandinan. Non, Jean-Marc Morandini. Oui, bon bref, et alors? Et sinon, j'aime m'écarter l'anus. Hein? Non, j'aime ma carte des bus. Mais sans s'en fiche. On prend, c'est bon. Ouais. Bon, attends, parce que là, Jean-Marc, moi présente. Aussi, j'aime bien faire ça. Hein. Écarter l'anus. Bon. Jocelyn, t'as un petit problème de prononciation là, non? Oui, c'est vrai. Je suis dyslexique à la fois. Hein? Je suis dyslexique, ma foi. Ah oui, d'accord, très bien. Bon, alors concentre-toi et bon, vas-y, t'as une minute pour nous convaincre que t'es le meilleur animateur que Jean-Marc recherche. D'accord. Baisser la musique. Bon, voilà. Bah, c'est moi qui fais, alors je fais ce que je veux. Ah, il donne des ordres en plus. Oui, d'accord. Bah oui, bah c'est ça être animateur. Hein, je commence. Mais pas chroniqueur, attention. Alors, hein. comme j'aime les cons racistes et noirs, non, j'aime raconter les histoires, alors je vais en raconter une. C'est Superman qui, comme chacun sait, a une couille imbroyable. Non, qui, comme chacun sait, a une bouille incroyable, qui arrive en char à pute, en parachute. Tout d'un coup, il rencontre un vieux copain. Ça pue la trique. Non, salut Patrick. Oh là là. Ça n'a pas l'air d'aller. C'est une histoire, je raconte, chut, tais-toi. Oui, pardon. Alors, Patrick, il dit, non, ça va pas, j'ai du caca jusqu'au trou. Non, j'ai du tracas jusqu'au cou. Ma femme s'est mordue l'utérus. Non, ma femme s'est tordue l'humérus. C'est pas grave, répondit Superman. Il suffit de l'opérer. Laisse-lui quand même le doigt dans la chatte. Merde. Non, pardon, c'est pas... Laisse-lui quand même le choix dans la date. Elle te remerciera. Tu verras que la bonne épouse donnait son cul. Non, tu verras que la bonne épouse connaît son dû. Sur ce, Superman repartit en songeant qu'il voudrait bien piner en dansant, mais il n'avait que des petits doigts. Non, ça veut rien dire. Si, il repartit, il voudrait bien dîner en pensant, mais il n'avait que des petits pois. Voilà, oui, bon, ça. Là, vite la fin, là. Ouais, oh là, là oui, Jocelyn. Alors, c'est fini, il va bientôt, tu vas voir, ça va être génial, la fin. Alors, il s'arrêta au hasard dans la maison d'un homme politique, il vit un plat sur une table et se mit à couper les couilles au sécateur. Non, il se mit à couper les nouilles au sénateur. Puis, quand la fille du sénateur le vit, il lui demanda, « Avez-vous, mademoiselle, des couilles en or ?»« Non, avez-vous, mademoiselle, des nouilles encore ?» Mais oh là là. Ah, Jocelyn, c'est pas possible, c'est pas possible, fini, Jocelyn. Je finis, ça va être extraordinaire, tu vas voir. C'est bien parce que c'est pas long. Ah bah non, mais c'est ça, quoi. Chut, Bon, et vite, Jocelyn, là, on n'a pas la nuit. Un petit problème. Mais la jeune fille eut peur, elle prit ses jambes à son cou et pissa dans la glycine. Non, elle glissa dans la piscine. Bien sûr, là c'est fini, tu vas voir. Oui, bah oui. Bien sûr, Superman la sauva, il la demanda en mariage et la jeune fille partit heureuse avec un grand salaud à l'anus. Non, avec un grand salut à la noce. Voilà. Très bien, c'était une belle histoire, Jocelyn. Et effectivement, la fin était extraordinaire. Ah oui. Effectivement, oui. Ah bah, je regrette pas d'avoir attendu. Hein. Oui, ouais, et je pense qu'on va le laisser à Energy 12. Hein. Ouais. C'est sûr, ouais. Bon, Jocelyn. Oui, je veux être le nouveau Jean-Pierre Belmar, je raconte des histoires. Ouais, bah, plus tard alors. Hein. Salut, Jocelyn, merci d'être passé. Hein. Salut, Nicolaël. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Bon, Jean-Marc, bah, bonne chance pour tes animateurs, si tu veux. Merci. Comme tu peux le remarquer, nous sommes une source De talent. Il est épuisable, c'est moi qu'on puisse dire. Inépuisable, je ne sais pas, mes sources quand même. Et donc, quand t'as besoin, tu demandes, hein. Eh ben, j'hésiterai pas. Merci, Mickaël. Merci bon. À tous. Eh ben, je t'en prie. Équipe. Et puis, si vous voulez vous inscrire, donc jeanmarcmorandini.com, si vous voulez tenter votre chance pour être la nouvelle star de la télé. Ouais. Exactement. Non, mais c'est surtout que vous bosserez. Rêver, hein. C'est surtout que vous bosserez à côté de Cécile Demenu. Donc. Ah, c'est ça. C'est mieux de bosser en face. Ouais, c'est oui, c'est en face. Vous la verrez dans les loges en plus, en train de s'habiller. Oh, ah, très bien. Ouais. Bah, top s'inscrit, tiens. Ouais, moi, je viens dès demain pour voir ça. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, un petit scoop. Oui. Quoi ? Ah, faut que tu nous sortes un scoop. Oula, comme ça. Ah, ouais. C'est comme les humoristes, on leur demande des blagues. Ah, il fait nous rire. Si t'en as pas, tu nous racontes un truc sur toi. Hein. Ouais, c'est ça, non, sur nous. Pas grand chose, là, pas de scoop. Bon, alors raconte-nous un truc sur nous, ouais. Ouais. Quand est-ce qu'on est viré ? Écoute, normalement. Parce que je suis sur le site. Au sondage du 19 janvier, normalement. Parce que j'étais sur le site d'Air France, donc c'est pour savoir si je prenais plutôt le 19 ou... Enfin, tu vois, écoute, quand est-ce que je pars, quoi. Le 19, ça ira, en tout cas, je pense. Donc on le verra sur ton blog, je pense. Ouais. Ouais. Bon, avant qu'on le sache. Donc le 19, on est viré. Eh ben, écoute, je prends acte. Voilà, je prends note de cette info. Je vous rappellerai pour m'excuser. Ouais, bah écoute, garde toujours mon portable, hein, jamais, hein. Bon, salut Jean-Marc. On va aller faire le casting. Salut à tous. Pour la photo, tu m'appelles avant, je t'en enverrai une plus sympa, hein, parce que la dernière fois, elle était un peu vieille. Sans problème. Bon, parfait, je te remercie. Salut Jean-Marc, ciao. Salut, bye-bye. Allez, à bientôt, bye. Bon, et puis, donc, comme je le disais, jeanmarcmorandini.com, si vous voulez tenter votre chance pour devenir animateur, chroniqueur, plutôt, dans un premier temps, gratuit. Ouais, et animateur, pourquoi pas. Et animateur, pourquoi pas, si vraiment vous êtes bon. Mickaël, le podcast. Bon, on va faire le chéri, je t'ai fait cocu, maintenant, avec Alex, qui est là, 22 ans, d'Anières sur scène, dans le 92. Salut à toi, Alex. Salut. Comment salut, ça va, salut. Ça va hein. Ouais, ça va. Bon, un bah, peu stressé, mais ça va. Bah, pourquoi stressé? Ah oui, parce que tu vas être célibataire bientôt. J'espère pas, mais... Bah, en même temps, en faisant chéri, je t'ai fait cocu, il y a quand même de fortes chances, hein. Ah ok, bah sympa. Bah, finalement, je pense que je vais pas le faire alors. Ouais, mais attends, contre une caméra numérique, hein. Ah. Bah, tout de suite ça aide. Hein. Voilà, contre ouais, une caméra. Ma copine, je la vendrai quand même pas pour. Ouais, c'est ça, ouais. C'est libre. Tu t'es inscrit quand même, hein. Ouais, pourtant tu t'es inscrit quand même, c'est vrai, ouais. Bon, Alex. Ouais. On va donc faire le chéri, je t'ai fait quoi. Il neige à Anières ou pas encore? Non, pas encore. Ah bah, ça va venir, non, apparemment. Non. Enfin bon, ils sont un peu en retard, hein, Météo France, c'est pas grave. Bon, allez, Alex, donc on va donc appeler Juliette, ta meuf. Juliette, voilà, ouais. Qu'est-ce que tu vas lui faire croire? Un truc banal, un peu genre j'étais en soirée, donc samedi soir. D'accord. Elle était pas là, donc à ce moment-là, je vais lui dire que voilà, j'étais chaud et que ça a mal tourné et que voilà. D'accord. Et que j'ai pris mon pied avec une fille, elle m'a fait découvrir de nouveaux trucs. De nouveaux horizons. Exactement. Oui. Très bien, parfait. C'est proche l'horizon. Énorme. Bon, bah la neige est arrivée au Mans, 215 km de Paris. Elle arrive vite, hein, finalement. Par contre, je voulais juste faire, si c'est possible, une dédicace à ma meilleure amie, parce que c'est son anniversaire. Bah vas-y. Donc, Pauline, je te souhaite un joyeux anniversaire, Pauline Gay de Bayonne. Je te fais plein de bisous. Gay, ouais, c'est un peu joyeux, ouais. Très bien. Bah merci. Bah écoute, je t'en prie avec plaisir. Sois bon maintenant. Ça va être le plus dur. J'ai peur. Aidez-moi quand même, hein, s'il vous plaît. Bon, bah on va t'aider après. Hein. Yannicko qui fait un chéri, je t'ai fait cocu gay. Bah pourquoi pas, nous on n'est pas contraire. Hein. Il suffit qu'il nous appelle. C'est énorme quoi. C'est, ouais, c'est... Bah, si, on peut le faire maintenant. Il suffit qu'il nous appelle. Non, ça n'a aucun intérêt après. Bah si, il peut dire qu'il est là pour un homme. Franchement, c'est gentil ce que tu fais parce que tu m'as dit j'ai tellement envie de jouer et là tu cèdes ta place. Non, mais je propose, c'est tout. Non. Sinon, t'as qu'à le faire. T'appelles Jared Leto. Je vois pas le rapport. Il est bon. Oui. Bah tu dis que tu l'as quitté pour moi et puis il va s'énerver je pense. Pas le rapport. Oh, ce serait quand même une faute de goût. T'as pas d'humour. Ce serait une faute de goût quand même. Voilà. Et une faute d'argent aussi hein, parce que hein, ce serait dommage de passer de Jared Leto au blindé de fric à Sandro sans un rond. Ouais. En tant qu'hétéro. Je peux faire le rapport à l'argent tu vois. Bon allez on y va Alex, on y va, on l'appelle bien sûr. Tu es chez ta nouvelle meuf qui s'appelle comment d'ailleurs? Il y a un nom qu'elle supporte pas. Non franchement non, il n'y a pas de partie, je sais pas non. Non, j'ai pas de... Bernadette? Non, mais arrête tes conneries, toi, Bernadette. Comme prénom, Bernadette. Mathilda. Ah oui, bah c'est moche. Non, mais c'est plus jeune. C'est vachement mieux que Bernadette. Non, mais c'est... Mathilda, c'est sale, mais c'est plus jeune. C'est pas mal, ça fait bourgeoise un peu, mais là, Bernadette... Tu Viviane. Mais c'est vieux, Viviane. Bah oui, mais c'est pas grave. C'est le prénom. C'est pas Ginette, tant qu'on y est, non. Bon, allez, Sandro. Non. Non, Sandro, c'est improbable, Sandro. Prends un prénom de grosse cochonne, Sandra. Ouais, voilà, Sandra, c'est parfait. Je peux permettre qu'à Sandra. Peggy, c'est parfait. Peggy, c'est bon. Allez, hop, on prend Peggy. Ouais, Peggy, c'est parfait. On y va, on l'appelle. Alex, bonne chance. Au plus, elle s'énerve. Au plus, t'as de chance de repartir avec les cadeaux, ok? Et n'oublie pas, on est chez elle. Pauline qui dit Mickaël, la neige est arrivée à Paris. Le roux va aller vérifier. Non. Ouais, mais à Port d'Italie, donc il y en a encore pour une heure et demie. Ouais, elle prend le périph', quoi. Il neige pas à Lyon, il pleut. La neige est à partir de 600 mètres. C'est de Dridri. Ah, écoute, très bien. Je pense que ça va être un bon chéri, je t'ai fait cocu, là. Peggy. Bonjour, vous êtes bien? Oh, ah, Peggy ne pourra pas s'exprimer ce soir. Qu'est-ce que j'avais dit? Bravo, Michel. 06, vous vous êtes trompé. Mais on s'est pas trompé de numéro, Alexis. Si, bah si. Comment tu sais? Bah, il a pas reconnu la voix. Bah, c'est mal entendu. Là. Meuf, quoi. Je te repasse, Micha. Et là, on peut bravo, dire. Micha. Bravo, Micha. Ah, c'est ouf, c'est la soirée Micha, du standard. Micha, c'est l'année Micha. Même. Hein. Ouais, c'est oh là là là là là là là là là là là là. C'est chaud. Mais oui, mais c'est parce que vous l'avez vexé, vous l'avez vexé tout à l'heure. Hein. C'est ça, ouais. Attends, parce que là, il est en train de faire le bon numéro. Donc, j'ai bien mémorisé le numéro qui était dans le standard. On va voir si ça va être le même. Eh ben oui. Attention. Ah, il tape, et alors il tape, et il tape, et il c'est tape. Le même ou pas, Micha? Qu'est-ce qui se passe, Micha? Il tape sur des bambous, c'est pour ça. Qu'est-ce que t'as dit? Tu peux lancer un disque, en attendant. Enfin, tu peux quand même pas mettre 10 ans pour mettre un numéro de téléphone dans le standard. Ouh, c'est Micha quand même. Hein. Non, mais attends. Bah oui, mais il a pas tous ses doigts. Oh là là là là, et ça y est, il l'enlève, et... Ah, si, il les a tous, mais il les utilise pas tous. Non, évidemment, alors le... Qu'est-ce qui se passe-t-il, Micha? Un chiffre, un 5 ou 6. 51, 61. Ouais, c'est ouais, pareil. Ouais. Bah oui, ça ressemble, Micha. Mais voilà, mais oui, évidemment. C'est la même chose. En plus, ils sont à côté sur le clavier. Bon. Il y a un volume sur le casque, hein, tu sais. Alex. Oui. On rappelle, hein. C'est parti, il y a un premier doigt pour moi. Oh là là là là. Oh, Micha, il est de bonne humeur, putain. Ah oui, mais enfin bon. C'est son pull, ça, il porte la poisse. Pourtant, le rouge, c'est la couleur du pouvoir. Ouais, mais bon. Il n'a pas dû pouvoir le faire. Oui, allô? Allô? Oui? Salut, chérie, ça va? Ah, bébé, ça va? Oui, attends, ouais. Je vais t'appeler, je te mets sur la douche. Ah, donc, dis-moi, chérie, j'avais envie de te parler par rapport à un truc qui s'est passé samedi. Écoute. C'est un peu délicat, donc je sais pas comment t'en parler. Si tu préfères qu'on te voit. Vas-y, tu sais bien qu'on peut tout nous dire. Ouais, mais en fait, c'est un truc qui va peut-être te déplaire. Donc, ce qui se passe, tu sais, samedi soir, par rapport à samedi soir, tu m'as demandé si j'étais soft, sobre, si j'ai pas fait trop de conneries et tout, et en fait, je t'ai menti sur les propos, j'ai dérapé et... Tu sais bien qu'on peut tout dire. Oh, il a glissé dedans, c'est pas grave. J'ai dérapé. Tu rigoles, enfin... Franchement, j'ai pas le moral pour déconner, donc... je te jure, c'est pas une blague ou quoi. Il faudrait peut-être la mort rendigner Académie. Je sais très bien que je suis un mec habituellement fidèle et tout, mais là... C'est bien qu'on peut tout se dire, mon chéri. Je bourré un peu et... Non, mais attends, mais... Au début, c'était calme, voilà, j'ai juste embrassé et... Petit à petit, voilà, ça s'est fait. J'ai embrassé. Et ça dérapait plus loin. J'ai couché avec elle et le problème c'est J'ai couché avec elle. Non mais j'ai compris ça, t'es gentil, mais tu te fous vraiment de ma gueule. Non mais ce que je veux dire c'est que le problème c'est que j'ai pris plaisir en plus. Donc c'est ça le problème. Si encore je regretterais, je t'aurais dit voilà et c'est pour ça que même par rapport à ce qu'on m'a dit ce matin, là, je t'ai dit voilà, on part, on bouge. Et t'as vu que j'étais hésitant par rapport à prendre des billets tout de suite, c'était aussi une des raisons. T'es vraiment un pauvre connard, mais comment tu peux me dire ça en plus comme ça, comme si de rien n'était, t'as kiffé. Mais c'est les fous qui me font toujours le plus rire. Non mais c'est qui en plus la meuf? Je pense que tu la connais pas. Allez Peggy, vas-y. C'est chez Guillaume, donc tu connais pas, mais c'est juste pour te dire que voilà. Chérie, t'appelles comment? Chérie. Non mais... C'est elle. Je suis chez elle, ouais. Chérie! En plus, t'es chez elle? T'as un culot, mais démesuré, mon pauvre! Non, mais chérie, quand je t'appelle, tu me réponds! Ouais. Mais attends, mais elle se calme, la pétasse derrière. Putain, mais c'est vraiment une bande de bâtards, mais en plus, t'oses aller chez cette pétasse, cette grosse pute après, et me dire ça quand t'es chez elle? Je préfère être honnête, franchement, je préfère être honnête de t'en parler comme ça, parce que bon. Non, mais attends, on s'est vu tout à l'heure, mais. Aujourd'hui, en disant, vas-y, on prend les billets et tout pour le ski, et je t'ai dit, voilà, je sais pas trop pour l'instant, et voilà. Je pense que je vais même là, elle m'attend et je pense que ce soir on va encore on va bien profiter ce soir. Tranquillement quoi. Non mais putain mais. Deux secondes, elle m'appelle. Tu veux que je te la passe ou Non mais. Alex. Bah attends, je te la passe. Vas-y, je te dis bah je te laisse parler à Juliette. Bon, tu ne réponds jamais quand je te parle. Allô ? C'est ça. Oui. Qui est-ce ? Mais Juliette. Alors, tu vas raccrocher directement, je te préviens direct, hein. T'as une voix, mais épouvantable, ma pauvre. Oui, bah excuse-moi, toi aussi tu as une voix assez désagréable. Mais attends, mais tu te prends pour qui, toi, en plus ? Je m'appelle Peggy. Non, mais... Comment ? Je m'appelle Peggy. Oui, bah t'as une grosse pute, quoi. Super, hein. Vive la vie. Hein. Quel rapport, bah, bravo. Alors là. Quand on a une voix comme la tienne, on se permet pas de critiquer les autres. Hein. J'ai pas une voix bizarre, moi, au moins. Oui, oui, c'est ça, ouais. C'est normal, tu t'entends pas. Sur les bords. Quoi ? T'es pas un peu travesti sur les bords ? En plus, tu m'insultes, connasse. Mais attends, mais tu oses me dire ça alors que tu tapes mon mec ? Enfin, mais maintenant, oui, j'ose. On va dire. Mais oui, j'ose te dire ça. Repasse-moi, Alex. Alors, Alex. Attends, je te le repasse seulement si je veux. Non, mais tu me le passes, t'as même pas à discuter. Je te le repasserai seulement si je le veux. Mais non, mais tu me le repasses maintenant. Et là, en l'occurrence, je ne le veux pas. Ah, mais parce que oui, c'est ça. Allez, passez-moi tout de suite. Attends, je réfléchis. Oui, bah réfléchis vite avec ton cerveau de blonde. Ça ira plus vite. Je suis brune. Oh, oui, c'est ça. Allez, passez-moi tout de suite, salope. Attends, je vais te le repasser. Alex ! Allô ? Tiens, je te repasse ta copine au téléphone. Allô ? Ouais. Ah bah bravo. Tu pêches du gros lourd, là. Vive le poisson. Putain, mais t'es vraiment un pauvre con. Il faut vraiment que t'arrêtes de penser avec ta queue, des fois. Mais la fille, je la vois... J'étais bourré, et bon, après, voilà... T'es bourré, mais attends, mais... Elle a surlit, tu veux que je fasse quoi ? Je peux rien faire, aussi. Oui, bah écoute, vas-y, vas-y. C'est des trucs imaginables. Elle m'a fait la totale. Toi, dès qu'on parle d'un truc, t'as pas envie, tu fais la grognasse et tout, bah voilà, il faut assumer maintenant aussi un peu. La grognasse ? Ah bah bravo, mais continue, mais oui, c'est ça. Mais attends, mais... Attends, tout à l'heure, tu m'as dit déjà... Bon, oui, c'est terminé, parce que ça commence à devenir un petit peu long, hein. On va partir au ski, mais après, tu me dis quand... Allô ? Ah non, mais tu te prends... Josiane ? Dégage, dégage, quoi, dégage. Josiane ! Juliette ! Oui, Juliette. T'as quel âge ? Repasse-moi, Alex. J'ai 21 ans, repasse-moi, Alex. T'es née en quelle année ? Qu'est-ce que ça peut te foutre, t'as qu'à faire le calcul dans ta tête. T'es née en quelle année ? C'est 88, pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Bah allez, passe-moi Alex. Et pétasse, passe-moi tout de suite parce que ce genre, en ce moment, je vous défonce tout le temps. Non mais ne l'insulte pas, Juliette, je suis avec elle maintenant, faut que tu l'assumes aussi maintenant. Franchement. Oui, donc arrête, en fait, tu m'appelles pour me dire que c'est fini, oui, comme ça. Je préfère, si tu veux, on en reparle demain, on se voit, on en reparle, mais je préfère être honnête avec toi. Mais, je vais prendre mon pied. On va même pas se voir, oui, je vais pas te prendre ton pied. Bon, Juliette. C'est quoi ? Écoute, on est au courant. Juliette. Alex. Juliette. Bon, tu sais où t'es ? Hein ? Tu sais où t'es ? C'est qui ? Allez, cherche mieux. Non. C'est mais si. Tu sais où t'es ? Bah, je suis chez moi. T'es en... C'est bon, après, c'est César. Ma faute. Je pose une question de con aussi. Hein. Forcément, elle pouvait répondre que ça. Hein. Faire, par contre, tu sais qui on est. Voilà, tu sais qui on est. Alors, qui on est maintenant ? Bah, encore moi, non ? C'est qui ? T'es sûr ? Bah, c'est nous. Bah oui, c'est nous. C'est qui nous ? T'es en direct à la... Ah non, pas la radio. Oh. Ça aurait pu être la télé, mais non, c'est la radio. C'était presque sincère, moi, j'ai trouvé. C'est vrai, non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'était le seul moment sincère, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Le début était un petit peu bizarre, hein, quand même, hein, mais bon, c'est pas... Oh là là, Micha qui a la main sur la tête, là, genre, mon Dieu, qui va m'arriver. Micha. Tu veux une aspirine ? Je te repasse Alex et Juliette, bien évidemment, et nous revenons avec grand plaisir juste après la réclame, comme dira Arthur. Mickaël, le podcast. Et nous avons toujours la suite du concours des animateurs. Donc Eric qui est là, toujours, hein, 20 ans, donc toujours là Eric. Oui, ça va toujours. Bon, très bien. D'autre côté, Maxime, 18 ans. Salut Max. 18 ans, salut Max. Oula, coupe ta radio Max. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est... Sandro. Et ouais, Michel, encore une fois, bravo. Vas-y, raccroche. Maxime. Hey, Micha, t'es le roi du monde. Micha. T'es le roi du monde. Micha, tu es mauvais et tu partiras. Très bientôt. Très bientôt. Ah non. Si t'es la fin. Vas-y, raccroche, c'est insupportable. Félicitons Micha quand même. Hein. Oh, toi aussi pour ce joli mot. Oui, moi aussi j'ai aimé. C'est un nouveau mot. Ouais, le félicitons. Félicitons. Oui, félicitons, c'est très bien. C'était très très bien. Bon, c'est pas grave, en attendant, parfait. Bonne nouvelle. Enfin, si, c'est grave, mais bon. Non, à un moment, t'es arrivé à un point où. C'est de mon retour. C'est pas grave. T'as raccroché avec l'autre du coup. Bah non, Eric est toujours là. C'est pas Eric le problème, c'est chez Maxime. Ah. Bah voilà. Donc, mais Eric, il a déjà fait son concours d'animateur tout à l'heure. Ah, d'accord. Bah, voilà. C'est pour ça que je voulais prendre Maxime maintenant, mais comme il était en boucle, le problème c'est qu'il y avait une rayure sur le vinyle et donc du coup on répétait sans cesse. C'est marrant, la même d'habitude chose. Michel il se la ramène toujours là, on l'entend pas. Oui, mais c'est ça fait une grosse heure qu'on l'entend plus. Oui, c'est bizarre. Hein. Ah, Michel, tu la racontes pas. Mais par contre, là, il est de plus en plus petit. Hein. Hey, tu vas payer ton verre à la fin, toi. Hey, Micha, tu vas payer ton verre à la fin. Et tu vas payer ton grec, surtout. Hein. Tu vas raquer ton verre. Il dit plus rien. Micha, tu payes ta crêpe. Micha, t'es là, Micha? Micha, il va payer ses indemnes, surtout. Là. Comment ça, la paix? Qu'est-ce qui se passe, Micha? On peut le virer pour faute grave, là. Il a saboté l'émission. Ah là, je pense, oui, c'est plus que le virer 5 fois, là. Faut savoir que c'est le 4e candidat de la soirée, en fait, qui plante. Hein. Eh pour, ouais, juste pour le jeu des animateurs. Eh ouais, c'est bizarre. Ah, tant pis pour eux, hein. C'est bizarre. Que veux-tu? Par contre, demain, on pourra faire le jeu des standardistes. Et on récupère celui qui est meilleur que Micha. Bah, vous avez trouvé sans mal, hein. Ah, eh ben voilà une parole sensée. Mais c'est toi qu'on veut, Micha. Mais non. Bon, qu'est-ce que je disais, je sais plus. Oui, donc par rapport à la bonne nouvelle, donc je disais, hein, bon, petit problème avec l'auditeur tout à l'heure, c'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est Rob Anderson, 39 ans. Ouais. Jusque-là, il a rien exceptionnel. Un homme. Bon, apparemment, il avait décidé d'offrir ce qu'on fait assez régulièrement, hein, quand on n'a pas d'idée de cadeau, c'est d'offrir un petit package de la Française des Jeux, tu vois, avec des petits. Ouais, c'est sympa, etc. Moi, je trouve. Et donc, lui, en fait, il a décidé d'offrir un billet de loterie à 3 personnes le soir de Noël. Et, bon, au lieu d'imprimer 3 tickets différents, le caissier a malencontreusement imprimé un seul ticket avec 3 séries de numéros. Donc, Rob Anderson se dit, bon, c'est pas grave, il fait remarquer son erreur au mec, mais bon, il a quand même décidé de garder le ticket et d'en racheter 3 autres pour ses potes. Bon, bah voilà. Donc, il achète les tickets de loterie et depuis 12 ans, il a jamais rien gagné. Et bah, il n'a pas vraiment prêté attention à celui qui était imprimé par erreur. Il a donc donné les 3 tickets, chaque un ticket par pote, donc 3 tickets à ses potes, qui ont perdu, forcément, puis ça fait 12 ans qu'il joue, ça fait 12 ans qu'il perd. Oui, mais il lui restait le ticket. Exactement, et c'est donc que le 26 décembre, soit quelques jours que va-t-il se après l'achat, bah, vous le voyez arriver, hein, il se suicide. Non, pas du tout. Et décède dans d'atroces souffrances. En regardant le résultat du tirage. C'est les gros connards, ils se suicident, on se tape une barre de rire. En regardant le résultat du tirage, Rob Anderson, donc, regarde le ticket, se fait écraser par un bus violemment. Arrête de mentir. Non, il s'est aperçu que les numéros gagnants se trouvaient sur son ticket imprimé par erreur. Et cette espèce d'enfoiré. Non, d'homme. De chanceux. De chanceux, voilà. De merde. A gagné 128 millions de dollars. Oh là là. C'est dégueulasse. 90 ouais, mais... millions d'euros. Ouais, plus. Un peu moins. Ouais, c'est ce que j'allais dire avec la dévaluation, ça fait que la moitié, quoi. Oui, merde alors. Ah bah ouais. Quand bien même je gagnerais qu'un million qu'est-ce d'euros. Que je vais me faire chier avec des yachts. Même 100 000 euros, je serais content. Hein. Grave, mais des 2 euros. Déjà quand t'es. Oui, non mais quand tu gagnes 2 euros et qu'il y en a où tu gagnes 128 millions, tu te dis putain, fais oui, chier. C'est vrai, c'est vrai. Ok, c'est bien, t'as gagné 2 euros, mais sachant que ton ticket t'a coûté 3 euros, ouais, ça va faire du. Au final, tu te fais baiser quoi. Et qu'est-ce que tu fais avec 90 Eh bah justement, le couple n'a pas et encore. Avec 2 d'idée. Euros, qu'est-ce que tu fais? Il s'est acheté Cristiano Ronaldo pour l'avoir chez lui. Super. Donc ils ont le couple n'a pas encore décidé ce qu'ils allaient faire avec Toulouse, donc ils savent pas très bien encore. Mais toi, tu m'étonnes, ta vie change du jour au lendemain. Ils ont mis un reportage justement sur les gagnants du loto là, des Français. Ouais. Ils avaient gagné 17 millions, je crois. Ouais. Oh, la vache. De francs, il me semble. Ouais, mais même. Mais même, hein. Et en fait, bah, ils profitent, hein, ils voyagent. J'ai rien compris. Moi non plus. Lui non plus. Non mais si, il dit que on va mettre le disque et après. Et puis tu lui feras alors. Non, il voulait. On va mettre le disque et après, il fait la pub pour le CD. Qu'on d'accord. Vient de mettre. Ah ouais, d'accord. Voilà, tout simplement. Roule les 10 heures. Ouais. Allez dehors. Non, mais je crois qu'il neige pas. Hein. Bah, va vérifier. Non monsieur, ça mais sert mais Roux, rien, va vérifier. Oui, si tu veux, ça sert à fumer ta clope. Mais... Il y en a plus, c'est pour ça qu'il veut pas, sinon ah, il sera c'est allé. C'est pour ça qu'il râle, d'accord, j'ai compris maintenant. Bon Mathias, merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ok. A bientôt, ciao à toi.